السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous sommes aujourd'hui بإذن عز وجل lundi 17 محرم 1428 من سنة يعني الهجرية. Et nous sommes le lundi 5 février 2007 بتاريخ النصارى. On commence, inshallah ta'ala, plutôt on continue où on s'était arrêté la fois passée dans les hadith sahiha, yani sahih al-jami' al-sahir, wa ziyadatuhu, les muhaddith, Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani alayhi rahmatullah. Aujourd'hui, on va voir, plutôt on révise le dernier hadith, on commence le nouveau. Le dernier hadith où on s'était arrêté, bi-idhna azza wa jal, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. حديث numéro 1814. C'est-à-dire en ce sens, pardon, à peu près en ce sens, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani tellement il aime le croyant que dans cette vie, il l'empêche de certaines choses. Il a dit, c'est comme vous empêchez quelqu'un que vous aimez qui tombe malade, quelqu'un qu'on aime, quand il tombe malade, on voudrait qu'il fasse, ça s'appelle le chimia, c'est, on voudrait qu'il fasse un régime, ça. On voudrait pas qu'il mange par exemple des choses sucrées ou là ça dépend de sa maladie, alors que au fond du cœur, yani, on aurait aimé qu'il les mange. On aime notre malade, on aime notre enfant, on voudrait lui donner tout ce qu'on pouvait. Non, tout ce qu'on peut, yani, si on pouvait, on le lui donnait, mais on ne lui donne pas. C'est pas parce qu'on est avare, mais on ne lui donne pas parce qu'on l'aime, parce qu'on voudrait qu'il guérisse, on voudrait qu'il, yani, il ne soit, yani, on voudrait que, yani, ça lui fasse pas mal. Non. Donc on le prive, pourquoi? Parce qu'on l'aime. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire quelque chose en ce sens. Et que Allah azza wa jal, des fois, il nous prive de choses. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et combien de nous, si Allah Azza wa Jal ne les avait pas privés de certaines choses, auraient été maintenant, par exemple, loin du din. Naam. S'il nous avait, par exemple, tous enrichis, il y en aurait beaucoup qui ne faisaient plus la salat, ou n'auraient plus fait la salat. Naam. Pourquoi? Quand on est tellement riche, on n'a pas le temps de faire la salat. Naam. Surtout de nos jours, la foi est très faible, on voit l'argent, on oublie tout. Maintenant, on n'a pas le temps d'aller à la mosquée, on n'a pas le temps, on va grouper les salats, ensuite on va les grouper toutes. On va les faire la nuit, ensuite on va les faire dans une semaine, ensuite on va tout délaisser. Naam. Allah Azza wa Jal, s'il prive certaines personnes, ou là, beaucoup de personnes de certaines choses, c'est pas parce qu'il est avare. Que perd Allah Azza wa Jal, que perd s'il nous donne tout ce qu'il a. Ça ne se termine jamais. Les armoires d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se vident jamais. C'est pour ça qu'il y a un hadith qudsi qui est sahih, où il dit que si tous les êtres humains et tous les djinns se rassemblaient pour qu'ils soient comme une seule personne, et ils demandent tout ce qu'ils veulent, et ils leur donnent tout ce qu'ils ont demandé, ça ne diminuerait rien des armoires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement il en a, masha'Allah, il y a des choses qui ne se termine jamais. Non. Maintenant, le hadith d'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1822, qui est un hadith sahih, il a dit Inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idha akhadahu lam yuflit. Inna Allah ta'ala la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit. Ça donne à peu près en ce sens, à peu près, hein. Allah subhanahu wa ta'ala laisse le zalim, yani celui qui fait tort, l'injuste, il le laisse, yani, faire du tort aux gens, il le laisse faire du tort même à lui-même, il le laisse léser les gens, na'am, hatta idha akhadahu lam yufit, jusqu'à ce que si jamais il le prend, là c'est terminé pour lui. Naam, si jamais il le prend, c'est terminé pour lui. C'est pour ça que, ça veut dire, si jamais il le prend, il ne peut pas échapper. C'est pour ça que certains qui sont faibles de la foi, certaines personnes qui ont une foi faible, croient que Allah Azza wa Jal est inattentif à ce qui se passe. Il dit, subhanallah, toute cette injustice qu'on voit, et il n'y a rien. Il n'y a rien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a rien. Certains croient, astaghfirullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est inattentif à ce qui se passe. Ça, c'est très grave si quelqu'un pense une chose pareille. Car il aura ressemblé aux juifs. Car les juifs, parmi les douas qu'ils font, je crois que c'est le samedi, parmi les douas qu'ils font devant leur mur, ils disent Ya Allah, Ya Allah, réveille-toi. Les musulmans ont fait ceci, cela. Ya Allah, réveille-toi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dort. C'est pour ça qu'ils disent que lorsqu'Allah a créé les cieux et la terre, lorsqu'il a créé l'univers, il s'est reposé le samedi. Naam. Il s'est fatigué, il s'est reposé le samedi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, wa ma mesna min lughub. Et on n'est pas fatigué. Je ne suis pas fatigué. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue jamais. Donc celui qui pense que l'azur se fatigue, ce n'est pas étonnant qu'il pense aussi qu'il dorme, qu'on pense les juifs. Donc l'azur, s'il y a de l'injustice, c'est que l'azur a voulu cette injustice. Il a voulu une volonté juridique. Une volonté universelle. Pas une volonté juridique. Yani, il a voulu une volonté universelle. Naam, mashi'a. C'est pas, yani, c'est l'irada al-kouniya, si on veut dire, c'est le mashi'a. Naam, c'est pas le mahabba, c'est pas l'irada al-shara'iya. Pour des sagesses que lui il connaît. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne crois pas que Allah Azza wa Jal est inattentif, voilà à peu près le verset qu'il veut dire, et ne crois pas que Allah Azza wa Jal est inattentif à ce que font les injustes. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Mais il veut reculer yani leur châtiment jusqu'au jour où, lorsqu'ils seront debout, ils peuvent même pas yani, comment on dit, yani, fermer les yeux. Hein? C'est toutes les trois secondes ou là, comment on fait avec les yeux? On les ferme, on les ouvre. Tu vois? Comment ça s'appelle ça? C'est quoi le verbe comme ça, yani, fermer les yeux et les ouvrir? On les fait toutes les 3 secondes, 4-5 secondes. Ça, l'Azul a dit, le jour où ils ne pourront pas faire cela, le jour où ils auront les yeux fixés. Non, ils ne peuvent pas fermer et ouvrir les yeux fixés. Pourquoi? Tellement, yani, de peur. Cligner, non, ils ne peuvent pas cligner des yeux tellement, yani, c'est quoi? Tellement la peur, non. Et il y a une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jalla a des sunnan aussi, il a des sunnan avec ses serviteurs, il a des sunnan avec des kuffars, il a des sunnan avec dans l'univers. Parmi l'une de ces sunnas qu'a cité Ibn al-Qayyim dans plusieurs de ses livres, non. L'une de ces sunnas, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un devient ou l'a fait des fautes ou l'a commencé à être injuste, Allah Azza wa Jalla ne le punit pas tout de suite. Il le laisse. peut-être qu'il va faire le repentir, peut-être qu'il va regretter, peut-être qu'il va demander le pardon, peut-être ceci, peut-être cela. Il lui donne des occasions, il lui donne beaucoup d'occasions, tellement Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le miséricordieux, le très miséricordieux. Il lui donne beaucoup d'occasions. Maintenant, quand Allah Azza wa Jal sait que cette personne, c'est pas le genre qui fait le repentir, cette personne, plus Allah la laisse dans ce chemin, plus elle augmente dans le mal, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait? Là, il le prend, yani, akhda aziz muqtadir. Il le prend et personne ne peut le délivrer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, mais personne ne peut yani, l'aider. Personne ne peut l'aider. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, فَلَمَّا أَسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Subhanallah al-Azim. فَلَمَّا أَسَفُونَ انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. أَسَفُونَ, quand je dis à quelqu'un, ouf, yani, ouf, t'as assef, je suis désolé. J'ai attendu que tu fasses cette chose, j'ai attendu un peu, je t'ai attendu, je t'ai donné un peu de temps. Maintenant, t'as assef, je n'ai plus d'espoir. Je n'ai plus d'espoir sur toi. Ibn al-Qayyim, c'est basé sur ce verset. Falamma asafuna, les gens de la aqida du consensus, on dit ici asafuna, on dit aghdabuna. Aghdabuna, colère, la grande colère. Falamma asafuna, intaqamna minhum. Non. Donc Allah Azza wa Jalla laisse la personne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Peut-être qu'il va revenir, peut-être qu'il va ceci, peut-être qu'il va faire le repentir. Peut-être qu'il ne veut pas. Allah subhanahu wa ta'ala le prend, yani comme j'ai dit, akhda azizin muqtadir. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'afiyana min iqabih dunya wa akhirah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est sahih, il a dit, inna Allah ta'ala wakkala bir rahimi malakin yaqul. Amallah, est-ce qu'il y a le son? Non. Est-ce qu'il y a le son? Jazakallahu khairan. Inna Allah ta'ala wakkala bir rahimi malakin yaqul. Allah azza wa jal, non, a yani a mis quelqu'un, a mis un ange, il lui a donné yani une mission spéciale. C'est quoi? Vous savez, hein, les anges, il y a beaucoup d'anges qui ont des missions spéciales. Ceux qui ont assisté dans mes doros, quand j'ai fait le monde des anges, je l'ai fait pendant peut-être un mois et demi ou deux mois, seulement des anges. On a parlé tout ce qu'il fallait dire sur les anges. On avait cité les anges, quels étaient les anges qui avaient yani quelque chose de spécial à faire, un travail spécial. Aujourd'hui, on va parler d'un ange qui a une mission spéciale, c'est laquelle? Il a dit, Allah Azza wa Jal a mis un ange spécialement dans le rahim de la femme, c'est-à-dire, disons, dans le ventre de la femme, disons exactement, yani dans l'endroit où elle va, yani duquel elle va accoucher, un peu plus haut, disons dans le ventre où le bébé bi'idna ta'ala va prendre place. Que fait cet ange? Il dit seulement, il dit Ey Rabbi Notfa, ya Allah, c'est maintenant, c'est du Notfa, c'est quelque, ça peut donner sperme, une goutte de sperme, peut-être c'est à peu près ça le sens. Il dit Notfa. Ensuite il dit Ey Rabb Alaqa, ça a évolué, maintenant c'est Alaqa. Alaqa, je ne sais pas comment on dit en français, yani, cette goutte a évolué, maintenant déjà elle s'accroche. Le mot Alaqa, elle s'accroche déjà à l'intérieur, elle commence à s'accrocher alors qu'elle n'était qu'une goutte. Ey Rabb Mudra, maintenant c'est devenu comme quelque chose qu'on mâche. Regardez le chewing-gum quand on le mâche, avant de le jeter, si on le regarde, on le voit, il a des traces des dents. Maintenant, le fœtus Adam, il a déjà quelques traces. Les premières traces sont apparues. Ensuite, il a dit, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا. Bien sûr, dans un autre hadith, il est cité que, année, le premier mois, le deuxième mois, pardon, les premiers 40 jours, ensuite les deuxièmes 40 jours, les troisièmes 40 jours, ensuite le 120e jour. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut créer, qu'est-ce qu'il va faire? L'ange dont on vient de parler posera la question. Ayyu Rabbi, Shaqiyun am Sa'id? Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que je dois écrire de cette personne qu'elle sera heureuse ou malheureuse? Ici et dans l'au-delà, bien sûr. Est-ce que je vais écrire? Elle sera heureuse ou malheureuse? Dhakar ou Unza? Je vais écrire garçon ou bien fille? Famar Rizq? Que dois-je écrire comme les biens? Naam. Famal Ajl? Que dois-je écrire quant à la date où ce bébé ou cet homme ou cette personne va mourir? Il a dit Fayuktabu kadhalika fi batni ummi. Ensuite, dans le ventre de sa mère, yani, c'est écrit. Ça s'écrira, et bien sûr, ça ne s'effacera jamais, et ça ne, yani, ça sera toujours comme c'était écrit. Ça sera toujours comme c'est écrit à l'intérieur. Bien sûr, ce hadith, on expliquera quand il viendra. Il va venir encore avec beaucoup de détails. On le laissera quand il va venir avec beaucoup plus de détails, parce que certains gens, ce hadith se contrarie chez eux. Il se contrarie avec, par exemple, le libre arbitre et la volonté. Ils disent, puisqu'Allah ta'ala a écrit, par exemple, malheureux ou heureux. Donc moi, c'est pas de ma faute. Donc si je suis malheureux, c'est parce que c'était écrit que j'allais être malheureux. Non. Certains pensent comme ça. Ils disent, puisque c'était écrit avant d'être créé, quand j'étais une goutte, Allah Ta'ala a ordonné à l'ange de m'écrire malheureux ou bien heureux. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je ne vais rien faire. C'est plus fort que moi. Non. On va expliquer bien Azza wa Jal, c'est quoi le vrai sens du hadith. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1839, Cheikh Al-Albani l'a numéroté, il lui a donné le numéro 1839, c'est un hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saf al-awwal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu azza wa jal et ses anges, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui font la prière dans la première rangée. Il y a un autre hadith où ce n'est pas cité la première rangée, c'est cité les premières rangées, les. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'au deuxième, troisième rang, pas plus. Ça peut aller premier rang, deuxième rang, troisième rang. Mais c'est surtout le premier rang qui a la grande, grande, grande faveur. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala priera sur la personne, Allah Ta'ala et ses anges prieront sur chaque personne qui fait la prière dans les premiers rangs. Naam, dans le premier rang. Naam. On l'a dit, on le redit Ma'alish plusieurs fois, la prière des anges, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à cette personne. Naam. Et la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah Azza wa Jalla cite cette personne. Il va la citer devant les anges. Il va la citer en vantant ses mérites. En disant X là, il le cite avec le nom, il est dans le premier rang, X c'est ceci, cela. Masha'Allah, c'est ça la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur une personne. Yani, c'est vraiment, imaginez pour que vous compreniez un peu. Imagine que toi, on te dise, le président de la République, j'étais avec lui, je l'ai entendu, il a parlé de toi. Il a dit que tu étais Masha'Allah, etc. Peut-être que tu vas trembler. Subhanallah, le président de la République m'a cité personnellement avec mon nom et mon prénom. Naam, avec ton nom et ton prénom. Moi, j'ai entendu de mes oreilles. Il m'a dit X, une personne, Masha'Allah, etc. Subhanallah, l'adim. Lillahi al-mathal al-a'la. Maintenant, Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, c'est pas le président de la République. Allah Azza wa Jal te cite avec ton nom devant les anges et il dit des choses de toi, yani, dans un contexte, yani, de bien. Masha'Allah. Seulement faire la prière dans toi, dans la première rangée. Naam. Plus on va à l'avance à la mosquée, plus Allah Azza wa Jal nous aime. Naam. Parce que quand on va à l'avance, ça veut dire qu'automatiquement on va faire la prière dans le premier rang. Et si tu fais la prière dans le premier rang, ce n'est pas le même ajr que celui qui fait la prière dans le dixième rang et dans le dernier rang. Parce que dans le dernier rang, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est shar sofouf. C'est les rangs les plus yani shar, les plus mauvais. C'est les rangs les plus mauvais. Bien sûr, la salat est valable. La salat est valable. Alhamdulillah. Mais on parle qu'il y a une différence entre celui qui vient le premier et celui qui vient le dernier. Moi, quand j'ai deux enfants, Ali et Omar, c'est un exemple. Ali et Omar. J'appelle de l'autre chambre. Ali, ramène-moi par exemple ton cahier. Omar, ramène-moi ton cahier, par exemple. Ali va me le ramener maintenant et Omar dans un quart d'heure. Je serai beaucoup plus ravi de Omar que de Ali. Naam. Surtout si c'est une chose par exemple que je veux. Ramène-moi cette chose que je veux. Donc celui qui fait la chose le premier, celui qui obéit le premier, ce n'est pas comme celui qui obéit le deuxième, troisième, quatrième et le dernier. C'est pour ça que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont rentrés en islam les premiers sont mieux que ceux qui sont rentrés après. Abu Bakr est beaucoup mieux que Abu Huraira, en ce sens, radiyallahu ta'ala anhu jami'an. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, ne s'est converti, n'est rentré en islam que les sept dernières années, subhanallah al-azim, في غزوة خيبر إني رستي avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques années 3 ou 4 ou 5 quelques années, je les ai notés, je les ai oubliés, quelques années, c'est tout. Abu Bakr Siddiq, c'est le premier homme à rentrer en islam, subhanallah al-azim. عند الله subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas être égaux. Naam, celui qui rentre le premier, celui qui rentre le dernier, celui qui rentre, c'est pas la même chose. C'est pour ça que même dans la salat, quand on veut faire la salat, par exemple, on commence par celui qui connaît mieux le Coran. Ensuite, celui qui connaît mieux la Sunna. Ensuite, on va voir celui qui, par exemple, a fait la Hijra avant l'autre. Celui qui a fait la Hijra avant l'autre, c'est lui qui avance pour guider la prière. Ensuite, on voit celui qui est rentré en islam avant l'autre. Donc, ceux qui font les choses les premiers, ce ne sont pas comme ceux qui font les choses les derniers. Non, ce ne sont pas. Et ça, c'est une règle générale. Une règle générale. Celui qui va à la prière du vendredi parmi les premiers, c'est comme s'il avait fait l'aumône d'un chameau. Ensuite, le deuxième groupe, c'est comme une vache. Le troisième groupe, c'est comme un mouton. Le quatrième groupe, c'est comme une poule. Le cinquième groupe, c'est comme un œuf. Le sixième groupe, il n'a rien. Il n'a rien en ce qui concerne l'aumône. Quand il rentre à la prière du vendredi, il arrive à la mosquée, il trouve l'imam qui s'est assis sur le minbar pour commencer le dars, les anges qui écrivaient et qui donnaient le chameau et la vache et le mouton et la poule et l'œuf vont plier les cahiers sur lesquels ils écrivaient et ils vont rentrer dans la mosquée pour écouter le prêcheur qui va faire le dars sur le minbar. Donc, il est occupé à écouter et il ne peut pas t'écrire. Et il ne va rien t'écrire. Pourquoi ? Donc, le premier, regardez le premier qui a le chameau et le dernier qui a un œuf et celui qui est venu après l'œuf qui n'a rien. Donc, ça, c'est l'avantage du premier et du dernier. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة يعطى عليها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرا. Ce hadith, je crois que je l'ai expliqué, je ne me rappelle pas très bien, mais il me semble peut-être que je l'ai expliqué. Allah subhanahu wa ta'ala أعلم. نعم. Celui-là, ce hadith est en train de parler et dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais du tort à, yani, aux mu'min, aux croyants. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala n'enlève jamais une hasana à un croyant, même si c'est une hasana, une seule hasana. Allah subhanahu wa ta'ala te la donne. Naam. Il a dit yu'ata 'alayha fi dunya wa yusab'u fi al-akhirah. Quand on fait une bonne action, on gagne deux choses. Quelles sont les deux choses? Premièrement, il a dit que il te donnait une récompense ici dans la vie. Et deuxièmement, il te donnera une récompense là-bas dans l'au-delà. Naam. Regarde, chaque chose que tu fais ici dans cette vie, qui est une bonne action, et tu l'as fait pour Allah, pour son visage, tu es vite récompensé. Ici, avant l'au-delà, ici tu es vite récompensé. Naam. Mais ce n'est pas tout le monde sans qu'il est récompensé. Naam. Il faut avoir un cœur plein de lumière, d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu saches que voilà, cette chose c'est en récompense de ce que tu as fait il y a 3 ou 4 jours ou il y a une semaine. Mais les gens, beaucoup de gens ne font pas, et ils ne remarquent pas cette chose. Naam. Ils croient que c'est venu comme ça. Naam. Ils savent pas que Allah azza wa jal pour remercier, voilà ce qu'il t'a fait. Toi tu as fait l'aumône il y a une semaine, tu as donné 10 euros à quelqu'un. Naam. Et aujourd'hui, naam, aujourd'hui ou là, après une semaine, après 20 jours, masha'Allah, yani, quelqu'un te fait un cadeau de quelque chose qui vaut 100 euros. Toi, tu ne fais pas la relation, tu ne dis pas subhanallah. C'est peut-être à cause des 10 euros que j'ai donné la semaine passée. Maintenant, Allah Azza wa Jalla m'a récompensé. Voilà ce cadeau qui m'est venu, qui fait 100 euros, il ne fait pas 10. Ça, c'est un exemple. Naam. Celui qui a un cœur plein de lumière, il fait la remarque. Il dit subhanallah, il fait la relation. Il dit subhanallah. Ça, c'est la récompense ici. Allah Azza wa Jalla donne pour chaque bonne action 2 récompenses. Une ici et une dans l'au-delà. Et celle de l'au-delà, bien sûr, est beaucoup mieux. Naam, est beaucoup mieux. Wa amma al-kafir, quand j'ai dit qu'il donnait une récompense ici, ce n'est pas tout le temps, par exemple, que donne de l'argent. Ça peut être autre chose. Naam, ça peut être, par exemple, il éloigne de toi des malheurs. Naam, il éloigne de toi des malheurs. Il y avait un malheur, même un grand malheur, qui allait t'arriver. Et Allah Azza wa Jalla l'a éloigné sans que tu le saches. Mais pourquoi? Parce que tu as fait une bonne action hier ou l'avant-hier. Naam. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que vous voyez que yani les gens les pieux, etc., qu'ils sentent qu'ils vivent ici, yani le hayat tayyiba. Ils vivent deux belles vies. La vie ici et la vie dans l'au-delà. Et le kafir, et celui qui est loin d'Allah, vit deux très mauvaises vies. Ici et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, à partir du quoi? À partir de la tombe. Naam. Et ici, il vit une vie de calvaire et de souffrance. Une vie de malheur. Naam. Le kafir, Allah Azza wa Jal lui donne tout sauf le bonheur. Allah Ta'ala donne au kafir tout l'or du monde, toutes les belles voitures, tous les beaux enfants et tout ce qu'il veut. Il lui donne pas seulement une chose, le bonheur. Jamais il n'est heureux. Jamais. Il rit un quart d'heure et il pleure des heures. Toi le kafir, tu le vois rire, etc., à la télévision, etc. Tu crois que c'est comme ça qu'il vit? Impossible. Quand il est seul, quand il fait nuit, quand c'est triste, quand c'est des problèmes, quand c'est des malheurs, il a le cœur très très très serré. Très très serré. C'est pourquoi il se suicide. Un vrai musulman, jamais ne se suicide. C'est impossible. C'est impossible que quelqu'un de pieux se suicide. Ça, c'est jamais vu. Donc le suicide lui-même est un symbole de quoi? Ou bien il n'y a pas la foi, ou bien elle est très faible. Le suicide, c'est le délire que, ou bien c'est, je ne parle pas de quelqu'un qui est fou. Quelqu'un qui est fou, malade mental, je ne parle pas de lui s'il se suicide. Une personne normale, si elle se suicide, ou bien elle est mécréante, elle ne croit pas, ou bien elle a la foi très très très faible. Il est impossible que quelqu'un se suicide. Et qu'en même temps, il a la foi et la lumière dans son cœur. C'est impossible. Je disais que le kafir, il ne sent jamais le bonheur. Jamais au grand jamais. comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque s'éloigne de dhikri, dhikri c'est-à-dire de ma religion en général, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, il aura une vie de misère. مَعِيشَةً ضَنْكًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un hadith sahih, il a dit c'est ce qui se passe à la tombe, dans la tombe. Et les ulama ont dit, ça n'empêche pas que ici aussi il vit une vie de misérable. Non, il vit une vie de misérable. C'est pour ça que Allah Azzawajal a dit dans le Coran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, quiconque Allah Azzawajal veut le guider, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui ouvre sa poitrine, صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Il sent sa poitrine s'ouvrir. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُرِدِ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Allahu Akbar. Et Allah Ta'ala a dit, et quiconque Allah Ta'ala veut l'égarer, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, il lui rend sa poitrine serrée. صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرِجًا. Il sent, يعني, ça se resserre, ça serre son cœur et sa poitrine. كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Il a dit, comme s'il montait vers le ciel. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ça il y a 15 siècles, est-ce qu'il savait que quand on montait vers le ciel, plus on montait, plus on s'asphyxie, plus on a besoin d'oxygène? Vous savez que plus on monte, plus il n'y a pas d'oxygène. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait-il su cela si ce n'était pas que Allah azza wa jal, que le Coran venait d'Allah azza wa jal? Le Coran dit, quand Allah azza wa jal veut égarer quelqu'un, il lui serre sa poitrine comme quelqu'un qui monte vers le ciel. Naam. Plus tu montes vers le ciel, plus tu as besoin du masque, oxygène, etc. Sinon, tu t'asphyxies, tu meurs. Allah Azza wa Jalla fait la même chose quand il veut égarer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il commence à lui serrer dans son cœur. Plus tu as des serments dans ton cœur, plus il faut vite revoir ta foi. Il y a quelque chose, tu as des problèmes dans la foi. Tu fais des péchés, bien tu as des doutes, mais il y a quelque chose qui se passe. Et le contraire est vrai. Plus tu sens, masha'Allah, ton cœur, tu sens la douceur dans ton cœur, tu sens ta poitrine qui s'élargit, tu es heureux, tu te sens heureux. C'est ça le bonheur. Allah Azza wa Jal, il descend la sérénité dans ton cœur. La sérénité, tu donneras des milliards que personne ne pourra te la donner. Tu ne pourras la trouver ni au supermarché, ni dans la pharmacie, ni chez le ministre, ni chez le président de la République. Il ne pourra te la donner. Pourquoi? Parce qu'il ne la possède pas. La sérénité que Allah Azza wa Jalla fait descendre, il descend seulement quand quelqu'un est pieux et qu'il est sincère et qu'il fait les bonnes actions et qu'il veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit, لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَةً طَيِّبًا. Il a dit, quiconque est croyant, que ce soit un homme ou une femme, et qu'il fasse des bonnes actions, il a dit, celui-là, je vais le faire vivre une bonne vie, une bonne hayat tayyiba. C'est quoi la bonne vie? C'est pas il te donne de l'argent. Tu peux avoir des milliards et être malheureux. La bonne vie, c'est quoi? C'est il va t'ouvrir ta poitrine. Tu vas sentir la lumière dans ton cœur. Tu vas te sentir les plus heureux en ayant un euro dans la poche. Avec un euro dans la poche, tu vas sentir le plus heureux des gens. Et l'autre, avec des millions dans la banque, il est le plus malheureux. C'est quoi la différence? Et toi, Allah Azza wa Jalla te descend la sérénité dans ton cœur, la quiétude et raffermit ton cœur à chaque fois. Et l'autre, il lui serre sa poitrine jour après jour, jusqu'à ce que, astaghfirullah, peut-être qu'il se suicide. Naam. Ça, c'est quoi? C'est l'avantage des pieux. L'avantage des pieux. C'est le paradis que Allah Azza wa Jalla donne aux pieux ici, dans cette vie, avant de leur donner le paradis de l'au-delà. Comme je vous ai dit une fois, comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a un paradis ici, dans cette terre. Il a un paradis. Quiconque ne le rentrera pas, ne rentrera pas le paradis de l'au-delà. Naam. Ce paradis ici, c'est quoi? C'est dans ton cœur. Ce que tu sens dans ton cœur. L'halawa, ça s'appelle l'halawa. Vous savez, l'iman, la foi, c'est quelque chose de sucré. C'est sucré. Quand on mange quelque chose de sucré, on mange de la pâtisserie, surtout si on est jeune, un enfant. quand tu lui donnes un millefeuille ou là, tu lui donnes la pâtisserie, il ne peut pas s'arrêter. Tu lui donnes du miel, il ne peut pas s'arrêter. La même chose, la foi. La foi, c'est la même chose. Si tu veux savoir si ta foi est bien, si elle est bien ancrée dans ton cœur, regarde si tu sens quelque chose de sucré. Si tu sens du sucre quand tu lis le Coran, si tu sens du sucre quand tu fais la prière, tu fais la nafila, si tu sens du sucre quand tu vas à la mosquée, si tu sens quelque chose de sucré quand tu entends un dars, ça veut dire que ton iman est masha'Allah. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, daqa daqa tu'ma al-iman man amana billahi rabban ila akhir al-hadith. Il a dit a goûté tu'ma al-iman, a goûté le goût de la foi, la douceur de la foi. Donc le prophète alayhi wa sallam a employé le mot daqa, ça veut dire a goûté. Donc l'iman, sa douceur, ça se goûte. C'est comme si tu mangeais, subhanallah, c'est comme si tu mangeais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il est sahih, il a dit talatun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Subhanallah, trois choses, si elles se trouvent chez la personne, il goûtera la douceur de l'iman. Il a dit halawa, sucré en arabe, halwa, c'est quoi? C'est des bonbons, c'est sucré. Halawat al-iman, il a dit il y a trois choses, si la personne, le croyant, a ces trois choses, il va quoi? Il va goûter la sucrerie, si je puis dire, la sucrerie de l'iman. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah azza wa jalla. Donc le kafir, qu'est-ce qu'il a dit Allah azza wa jalla? Quant au kafir, fayut'amu bihasanatihi fi ad-dunya. Quant au kafir, Allah azza wa jalla ici, quand il fait des bonnes actions, le kafir, il fait des bonnes actions, n'am, il va construire un hôpital avec son argent, il va construire une école, voilà, il a fait une bonne action. Allah Azza wa Jal, il va lui faire du tort. Allah Azza wa Jal, c'est le plus juste. Donc, même le kafir, quand il fait une bonne action, il va le récompenser. Mais, il le récompense seulement dans cette vie. Il ne lui donne pas dans l'au-delà. Naam. Il va lui donner ici beaucoup d'enfants, il va lui donner de l'argent, il va lui donner yani, tout ce qu'il veut ici dans cette vie. Il a dit, حتى إذا أفضل الآخرة لم تكن له حسنة وعطى بآخرة. Jusqu'à ce que il va venir, yani demain, le jour du jugement dernier, il ne trouvera même pas une hasana avec lui. Il ne trouvera même pas une bonne action là-bas. Pourquoi? Il a eu tout ce qu'il voulait ici dans cette vie. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Ça c'est dans sourate Al-Ahqaf. Vous cherchez un verset dans sourate Al-Ahqaf. Allah Azza wa Jalla a dit dans ce Coran, à peu près pour juste que vous compreniez, il parle des kuffar, il a dit ويوم يعرض الذين كفروا على النار. Et le jour où les croyants seront présentés devant le feu, Jahannam. Allah Azza wa Jalla leur dira أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. Voilà le témoin du dars. Voilà le témoin. Que leur dira Allah Azza wa Jalla? Leur dira, vous avez dissipé vos biens, yani, en bas quand vous étiez vivant, et vous en avez joui pleinement durant votre vie sur terre. Classe, vous avez dissipé vos biens. Vos biens, vous les avez mangés, vous les avez terminés. Classe, c'est-à-dire ici, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Ici, ici, on va vous rétribuer un châtiment avilissant. Pour l'orgueil dont vous vous enfliez injustement sur terre. Et pour avoir été pervers. Donc vous voyez, le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala leur dira, vous, excusez-moi, je vous ai tout donné ce que vous vouliez dans notre vie. Naam. Je vous donnais des choses que je ne vous donnais pas, que je ne donnais pas, pardon, à des gens qui étaient pieux, à des gens qui faisaient la prière toute la nuit et qui jeûnaient tous les lundis et les jeudis. Je ne leur ai pas donné beaucoup de choses que je vous ai données. Vous aviez des palais, ils n'en avaient pas. Vous aviez des comptes en banque, ils n'en avaient pas. Vous aviez ceci, ils n'en avaient pas. Donc, Alhamdulillah, je suis le plus juste. Aujourd'hui, c'est le tour des pieux. Vous, Alhamdulillah, vous avez eu la récompense. Maintenant, c'est l'enfer qui vous attend. Maintenant, c'est aux autres, Inch'Allah Ta'ala, à mon hizb, mon parti. Mon parti et mes alliés, ceux-là maintenant, je vais leur donner le paradis et tout ce qu'ils voudront, bi'idnillahi azza wa jal. Naam, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1856, c'est un bon hadith, c'est un hadith bon. Cheikh Al-Albani a dit bon. Inna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtara bihi wajhah. Naam, inna Allah Ta'ala la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhah. Wabtughiya bihi wajhah. Pardon, naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal n'accepte des actions qu'on fait que l'action qu'on a fait avec l'intention de vouloir le visage d'Allah. Naam, toute action, si tu l'as fait avec l'intention que c'est pour Allah et c'est pour un autre, elle n'est pas acceptée. Il faut qu'elle soit seulement pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'accepte pas d'associer dans les actions. Il veut que tu le veuilles, lui, Azza wa Jal, l'exalté. C'est pas tu veux Allah et tu veux un autre en même temps. En même temps, je veux qu'Allah soit ravi de moi et en même temps que les gens disent, Masha'Allah, celui-là, il est généreux. Allah Azza wa Jal n'accepte pas. Il te dit non. Va chez les gens, dis-leur aujourd'hui de te donner ta récompense. Naam. C'est pour ça que quand on fait des choses qui ne sont pas obligatoires, je dis qui ne sont pas obligatoires, plus tu les fais en cachette, plus la récompense grandit. Naam. Plus tu fais une chose en cachette, plus la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande. Mais vous avez remarqué que j'ai dit les choses qui ne sont pas obligatoires. Mais les choses obligatoires, tu les fais devant tout le monde. Ça ne fait rien, tu dois les faire. La prière, tu dois la faire à la mosquée devant tout le monde qui te voit. Le ramadan, tu dois jeûner. Tout le monde sait. Tous les voisins savent que tu as jeûné. Naam, tous les voisins sont au courant que tu as jeûné. Pourquoi ? Ça, c'est des choses obligatoires. On parle des choses qui ne sont pas obligatoires. Allah Azza wa Jal t'a conseillé seulement de les faire. Il veut que tu les fasses, mais il ne t'a pas obligé. C'est-à-dire, si tu les fais pas, tu n'as pas de péché. Alors, maintenant, si tu veux que les récompenses soient vraiment grandes, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut au maximum les faire en cachette. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il a dit, cette personne, Allah Azza wa Jal, les mettra sous son ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Il a cité les sept personnes, il a dit le sixième ou le septième, je crois que c'est le septième, il a dit, et une personne, un homme ou une femme, c'est la même chose, et une personne qui, lorsqu'elle s'est trouvée seule, m'a invoqué et a commencé à pleurer, ou plus exactement, a eu des larmes dans les yeux. Naam. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit était seul, c'est une condition. Wa rajulun dhakara Allahu khaliyan fa fadat 'aynahu. Khaliyan, il faut qu'il soit seul, fi khulwa, soit pas avec les autres. Pourquoi spécialement il faut qu'il soit seul? Parce que si tu peux pleurer quand tu es seul dans une pièce, ta chambre fermée, il y a personne qui te voit, personne qui t'entend, et tu as pleuré en invoquant Allah, ou là en pensant à tes fautes, ou là en pensant à ce qu'il y a demain au paradis, ou là en pensant à ce qu'il y a demain en enfer, et tu as pleuré, ça veut dire que vraiment tu as pleuré pour Allah. Mais si on était en groupe, il n'y a aucune preuve que j'ai pleuré pour Allah. C'est pour ça que des fois on n'a jamais l'intention de pleurer, et voilà que on voit quelqu'un pleurer, on commence à pleurer. C'est comme le rire. et qu'on n'a pas envie de rire, on voit un groupe rire, on commence à rire avec eux, sans savoir pourquoi. Pourquoi tu ris? Oh là, je sais pas, ils ont ri, j'ai ri. La même chose, tu peux pleurer en voyant seulement des gens pleurer. Mais tu n'as pas pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les larmes n'ont pas coulé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Deux yeux, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne rentreront pas en enfer. Un œil qui a passé la nuit à faire la garde pour les musulmans, et un œil qui a pleuré par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un œil qui a pleuré par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on est seul, plus on est caché par crainte d'Allah azza wa jalla. Plus on est seul, plus c'est le délire qu'on est sincère. Naam. Quand tu es à la mosquée, tout le monde est en train de te voir. Masha'Allah, tu t'es levé, tu as fait 4 prières surérogatoires. Masha'Allah. Tu les as même faites avec, yani, Masha'Allah, un peu long. Avec du khushu, etc. Tu les as pas faites vite, Masha'Allah. Mais, quand tu es seul dans ta maison, tu rentres dans ta pièce, tu ne peux pas faire 2 rak'at surérogatoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les gens qui vont te voir et qui vont te dire Masha'Allah. Ils ne sont plus là. Naam. Et si tu vas les faire, tu vas les faire très vite. Et comme ça, salam alaykum. Pourquoi? Il n'y a pas les gens. Si je savais qu'il y avait quelqu'un qui me voyait, je serais resté longtemps et j'aurais lu Masha'Allah. Mais maintenant je suis seul, que je fasse vite, etc. Voilà le délit de quoi? Le manque de sincérité. C'est pour ça que nous, je ne parle pas des gens, je commence par moi. Moi qui suis plein de fautes. Naam, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me guide. Je commence par moi. Nous, quand on fait, par exemple, une prière, je donne un exemple. Pourquoi, par exemple, le imam, pourquoi, quand il guide les gens, il lit Masha'Allah, il lit doucement comme ça, avec khushu, et Masha'Allah quand il guide les gens. Et pourquoi, s'il va faire la prière seul, à la maison, il va la faire vite. Pourquoi? Il y a une différence. Les deux sont pour Allah. Et pourquoi il y a une différence? Pourquoi là-bas, il a lu dans la mosquée, Masha'Allah, doucement comme ça, et quand il est seul, il lit vite. Pourquoi? C'est le manque de sincérité. C'est le manque de quoi? De sincérité. La sincérité, ça a un très très très très grand rôle. Très très grand rôle dans la foi du croyant. Un peu de sincérité. Un gramme. C'est pas un kilo. Un gramme de sincérité. Avec 2 rak'at et je donne 1 euro, c'est tout. 1 euro. Avec de la sincérité. Et seulement 2 rak'at, c'est mieux que 1000 rak'at, et tu donnes 1000 euros, et il n'y a pas de sincérité. Non. Un seul gramme de sincérité. Non. Fera de l'aumône que tu fais, aussi petite soit-elle, fera d'elle une montagne. Et l'ostentation, riya ou l'ayadu billah, tu donnes des montagnes d'argent, Allah Ta'ala t'écrira un grain de blé, s'il t'écrit, hein, il va t'écrire un grain de blé, ou il m'accepte, toi. S'il va accepter, il va accepter un grain de blé. Naam. Pourquoi? La sincérité et l'ostentation. Allah subhanahu wa ta'ala, en yahdiyana, on yuzuqana l'ikhlas. Ensuite, je ferai ici une remarque très très importante. Très importante. Naam. C'est au sujet de quoi? Au sujet de la sincérité dont je viens de parler. Bi'idna Azza wa Jal. Naam. La sincérité est une condition nécessaire pour l'acceptation des actions chez Allah subhanahu wa ta'ala. Nécessaire. S'il n'y a pas la sincérité, tu es en train de quoi? En train de perdre ton temps. Mais elle est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Naam. Il faut la sincérité, plus il faut que la chose que tu fasses, qu'elle soit comme Allah Ta'ala l'a voulu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu. Parce que tu peux être sincère et faire des choses, c'est-à-dire faire des choses qui se contradisent avec l'islam. Tu peux être sincère et faire quoi? Et faire des choses interdites. Et tu dis, c'est la sincérité. Quand tu dis non, la sincérité n'est pas acceptée seule. Il faut qu'on lui joigne quoi? Qu'on lui joigne, il faut que ce que tu fais soit conforme à la législation, à la sharia islamia. Soit conforme au Coran, conforme au sunnah. Et si tu es sincère, et mashallah, il faut ces deux grandes conditions. Naam. La sincérité elle-même ne suffit pas. Combien de gens sincères ont fait des bid'ahs et des innovations. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, je ne connais pas dans les sectes égarées une secte plus sincère que les Khawarij. Les Khawarij et les Kharijit. C'est la secte l'une des plus sincères, ou bien la plus sincère, entre parenthèses, dans les sectes égarées. Pourquoi? Parce que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous les voyez lire le Coran, tu vas te dire, subhanallah, c'est quoi, moi je ne lis pas le Coran, moi, par rapport à eux. Si tu les vois prier, tu dis, subhanallah, combien qu'ils prient. Si tu les vois lire le Coran, prier et jeûner, tu dis, subhanallah, c'est impossible, moi je suis très faible, tellement ils font cela. Et ils le font par sincérité. Mais, c'est quoi la conclusion? Conclusion, kilab al-nar, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit des chiens de l'enfer, en parlant d'eux, parlant des khawarij, les chiens de l'enfer. Il a dit, si je vivais, et je les rencontrerais, je les tuerais. Qatla ad, dans un autre hadith, qatla thamud, c'est-à-dire, je les exterminerais, si je les rencontre. Et pourtant, le Coran, masha'Allah, et la prière, masha'Allah, et le siyam, masha'Allah. Donc la sincérité existe. Mais est-ce que la conformité à la législation existe? Ça n'existe pas. Hein? Qu'est-ce qu'ils font alors? Hein? Ils font la guerre aux gouverneurs musulmans et ils disent des sahabas sont des kuffars et ils sont loin, loin, loin de quoi? De la sharia islamia. Donc leur sincérité ne leur a rien valu. Naam. Donc je répète, il faut quoi? Il faut la sincérité plus adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas avec la sincérité, plus l'adorer avec sa législation. Je donne un exemple très simple pour que vous compreniez. Imaginez que quelqu'un de sincère nous dise, Allah subhanahu wa ta'ala aime le jeûne ou ne l'aime pas, le siyam. On lui dit, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup le siyam. Quiconque fait un jeûne, un jour de jeûne surérogatoire, Allah Azza wa Jal va éloigner de lui l'enfer 70 années. Masha'Allah, 70 années. Pour un seul jour de jeûne surérogatoire. Donc il va nous dire, puisqu'il y a un hadith qui dit comme ça, donc moi, Inch'Allah ta'ala, je vais jeûner le jour de l'Aïd. On lui dit, smahli, mais pourquoi tu veux jeûner le jour de l'Aïd? Il va nous dire pourquoi je ne jeûne pas. On lui dit, c'est interdit, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, c'est interdit de jeûner. Le jour de l'Aïd, c'est pour manger et pour boire et dhikr Allah. Il n'y a pas de jeûne. C'est haram. Il dit, non. Moi, Khoya, c'est la sincérité. Moi, je suis sincère. Allah Ta'ala sait que je suis sincère et que Allah Ta'ala, je sais qu'il aime le jeûne, donc moi, je jeûne. Est-ce que le jeûne de cette personne qui est très sincère, est-ce qu'il va être accepté? Il va avoir des ismes et des péchés. Des ismes et des péchés. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le jeûne, quelque chose de bien. Mais, qu'est-ce qu'il a fait en revanche? Il a transgressé le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il est interdit de jeûner le jour de l'Aïd. Ça veut dire en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a voulu adorer Allah avec les innovations. Il a voulu adorer Allah avec les péchés. Naam. Le prophète alayhi wa sallam lui dit, il ne faut pas jeûner. Et lui dit, je jeûne et j'aurai des récompenses. Là, Dieu lui dira, non, tu n'auras rien, tu auras des péchés. Pourquoi? Parce que ta sincérité, si tu étais vraiment sincère, tu aurais suivi mon prophète et le Coran. Tu n'aurais pas suivi tes passions. Voilà la sincérité. Tu es sincère, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu suis le Coran. C'est pas tu suis tes passions. C'est-à-dire, c'est une règle, je vous dis ça comme règle pour les gens qui te disent Wallah yani, Allah ta'ala sait qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, je suis sincère. On lui dit ça. Wallah, moi j'ai pas de doute. J'ai pas de doute que inshallah ta'ala, tu es l'un des plus sincères. Mais ta sincérité doit te pousser à ce que tu te conformes au Coran et à la Sunna. Ne laisse pas ta sincérité comme ça te guider avec tes passions car tu es d'aller à Jahannam. Des gens ont vu quelqu'un faire la prière Nafila avant le coucher du soleil. Vous savez qu'on ne fait pas la prière Nafila avant le coucher du soleil ni au lever du soleil, sauf c'est quoi? Sauf si c'est une prière obligatoire que j'ai oublié ou là, ou bien si c'est une prière nafila surérogatoire, mais qui a une cause, comme la prière des ablutions, comme la prière de la mosquée, tout ça, ça a une cause. Ça n'a rien à voir avec le lever du soleil et le coucher. El Mohim, une personne était en train de faire nafila qui n'a pas de cause, la nafila interdite. Il était en train de la faire juste devant, avant le coucher du soleil. Quelqu'un lui a dit, écoute, Taqillah subhanahu wa ta'ala, sinon tu risques d'aller en enfer. Qu'a dit la personne qui faisait la prière? Je vais en enfer. Allah ta'ala va me rentrer en enfer à cause de la salat. Je fais la salat, et Allah ta'ala va me rentrer en enfer. Allahu Akbar, j'ai jamais entendu ça. Qu'a répondu l'autre? Il lui a dit, écoute, Allah Ta'ala va te faire rentrer en enfer, non pas pour avoir fait la salat, mais pour avoir désobéi à son prophète. Et Allah Ta'ala a dit, فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ إِنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah Ta'ala a dit, qu'il craigne ceux qui désobéissent au prophète, qu'ils auront ou bien un châtiment ou bien une fitna ici dans la vie. Voilà la réponse. Donc l'autre, il a cru quoi? Il a cru qu'il avait des excuses. Moi je fais la salat et je suis sincère. On lui dit, Masha'Allah, tu es sincère. Mais il y a hadith qui dit, il n'y a pas de prière quand le soleil se couche, sauf si c'est une prière obligatoire ou là, une prière de cause. Ça, c'est une prière qui n'est ni obligatoire ni prière de cause. Tu ne peux pas la faire. Donc il ne peut pas dire je suis sincère. La sincérité ne rend pas l'illicite licite et ne rend pas l'innovation sunna. Ça ne la rend pas. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu est rentré dans une mosquée. Il a trouvé des gens assis en groupe ici, par exemple 3-4 là-bas, 3-4, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens? Et ils avaient un chef. Chacun, chaque groupe, chaque ronde comme ça, avait un chef. Il leur disait par exemple, dites la ilaha illallah. Ils disaient la ilaha illallah en groupe. Et ils comptaient. Dites par exemple, alhamdulillah. Ils disent tous alhamdulillah. Et ils comptent. Pour compter 100, 150, etc. Il leur a dit, c'est quoi ça? Ya ibadallah, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit rien, subhanallah al-azim. On a des cailloux. On est en train de compter combien de fois on fait yani, le takbir, etc. Il leur a dit, comptez vos siyi'ats, comptez vos péchés. Quant aux hasanat, vous les trouverez demain devant Allah. Comptez vos péchés, ne comptez pas Allahu Akbar, la ilaha illallah, comptez vos péchés. Et demain, les hasanat, inshallah ta'ala, c'est pas la peine de les compter, vous les trouverez. Il a dit, qu'est-ce que vous faites avec ces cailloux? Ils ont dit en compter. Il leur a dit, les sahaba sont encore vivants entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses habits ne se sont pas encore déchirés. Ses récipients ne se sont pas encore cassés. Et vous faites des choses pareilles. Wallahi, ou bien, vous êtes plus savants que les sahaba et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien, vous êtes dans une innovation totale. Naam. Parce que le prophète et ses sahaba n'ont pas fait ce que vous faites. Ils se sont pas assis comme ça en groupe en faisant l'invocation collective. On dit tous à la fois Allahu Akbar. C'est pour ça que les ulama disent le jour de l'Aïd, quand tu rentres dans la mosquée, ils commencent tous à dire à la fois Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ils disent ça c'est bid'a. Il n'y a pas en islam des invocations collectives comme ça en groupe. Il n'y a pas. Chacun dit lui-même, pas en groupe. Donc Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, leur a dit, vous faites des choses comme ça collectives qu'on n'a jamais fait autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc wallahi, ou bien vous êtes mieux que les sahaba, ou bien vous êtes dans l'innovation totale. Ils ont dit ma aradna illa khayran, voilà le témoin du dars, nous ne voulons que le bien. Subhanallah, qu'est-ce qu'on fait nous? On est en train de boire de l'alcool, nous on dit subhanallah alhamdoulilah, là on veut du bien, on fait des invocations, nous ne voulons que le bien. Qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, une phrase qu'on devait écrire en or, cette phrase que je vais dire, que lui a dit bien sûr, normalement chacun l'écrit chez lui avec de l'or, il l'écrit, il la laisse, il fait un cadre comme ça, il l'accroche au mur si ça se faisait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit كم من مريد للخير لن يصيبه وفي رواية لم يصيبه. Il a dit oh combien de gens aiment le bien mais n'y arriveront pas. Oh combien de gens aiment le bien mais ils ne l'auront pas. Oh كم من مريد للخير لم يبلغه. Combien de gens aiment le bien, ça veut dire ils sont sincères. Vous qui êtes ici en groupe en train de dire tout ça, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahi je ne doute pas une seconde que vous êtes très sincères, sinon vous auriez été dans un bar, vous êtes dans la mosquée mashallah en train de dire la ilaha illallah. Mais est-ce que vous avez suivi la sunnah? Est-ce que la sincérité elle-même suffit-elle? Elle ne suffit pas, il faut la sincérité plus la législation, le Coran et la sunnah. Où est le Coran et la sunnah dans cette forme d'invocation que vous faites? Il n'y a pas. Jamais les sahaba ne se sont assis en groupe et n'ont dit ce que vous avez dit. Donc, c'est une grande bid'a que vous avez faite. Vous voyez, la sincérité ne suffit pas. Plusieurs personnes nous disent, Allah sait que je suis sincère. Sah, Allah sait que tu es sincère. Quand tu veux faire la chose d'après la sharia et tu te trompes par exemple, Allah Ta'ala sait que tu es sincère, il va te donner des récompenses. Tu as voulu la faire d'après la sharia et tu n'es pas arrivé, ou tu es trompé, ou tu es tombé malade, tu ne l'as pas fait. Mais ce n'est pas, tu te bats sur la sincérité seulement et tu vas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et tu désobéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu vas dire quoi? Tu vas dire que yani, ça va être accepté. Non, cela est impossible bi'idhn Allah azza wa jalla. Et les délits que il faut ces deux choses, il faut la sincérité plus la conformité à la législation. Le délit c'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قُلْ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dit قُلْ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, quiconque veut la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala demain, quelles sont les deux conditions? Qu'il ya'mal 'amalan salihan, qu'il fasse une bonne action, wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahad, et qu'il n'associe rien avec Allah, il n'associe rien dans ses actions avec Allah. Donc deux conditions, qu'est-ce qu'il a dit? Man kana yarju liqa, qu'il ya'mal 'amalan salihan, il faut qu'il fasse une bonne action. Il faut qu'il ne fasse pas l'association. Quand il ne fait pas l'association, c'est quoi? C'est qu'il est sincère. Voilà la sincérité, première condition. Et quand il fait une bonne action, c'est quoi? C'est la législation, la sharia. Car on ne peut pas faire une bonne action si elle n'est pas conforme à la sharia. Donc vous avez remarqué, les deux conditions ont été inscrites dans ce verset. Naam. Qu'il fasse une bonne action et qu'il ne m'associe pas. La bonne action, c'est suivre la sunna et le Coran, et il ne m'associe en rien, c'est la sincérité. Et aussi dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ » Il a dit, il n'y a pas une meilleure religion que comme quelqu'un « مِمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ » Quelqu'un qui يعني, a donné son visage seulement pour Allah. « أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ » Ça veut dire quelqu'un qui est sincère. Elle est sincère, la première condition. « أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ » Il est sincère. وَهُوَ مُحْسِن Et il est bienfaisant. La deuxième condition, muhsin, bienfaisant. Et jamais quelqu'un ne peut être bienfaisant, c'est quoi? S'il ne suit pas la sharia. Il ne peut être jamais bienfaisant s'il ne suit pas la sharia. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith 1854, a dit, non pardon, pas le 1854, je l'ai sauté. نعم. إلى دي إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها. الله سبحانه وتعالى enverra, il va envoyer, il va envoyer les jours. نعم. Il va envoyer les jours, le jour du jugement dernier, comme ils sont. نعم. Les jours هادو, il va les envoyer d'après la façon qu'ils sont. C'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, les jours. Bien sûr. Maintenant, il va accepter un jour. Il a dit وَيِبْعَثُ الْجُمْعَةَ زَهْرَاءَ مُنِيرَةٍ لِأَهْلِهَا. Mais le jour du vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala va l'envoyer comme une fleur. نعم. زَهْرَاء مُنِيرَةٍ لِأَهْلِهَا. Qui illumine pour les gens. Qui les gens? Les gens qui peuvent, yani, disons les musulmans, qui avaient la Jumu'ah, qui faisaient la Jumu'ah, bien sûr. C'est pour notre nation, Naam. Il a dit, l'Azur, il va envoyer les jours, comme ça. Ils seront normaux, les jours seront normaux, samedi, dimanche, lundi, c'est normal. Mais le vendredi, il viendra comme ça, comme une fleur qui illumine. قال, فيحفون بها il a dit, alors les gens yani, vont vraiment être contents d'elle. Hein, vont vraiment être contents de ce jour-là, du vendredi, il a dit, comme la mariée, yani, comme le marié qui va être très content de la mariée qu'on va lui offrir. Comme le marié qui va être très content yani, de la mariée qu'on va lui offrir. Il a dit, يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا. Des gens vont marcher sur sa lumière. C'est celle qui va les guider et ils vont la suivre derrière elle. Elle a une lumière. Il parle de qui? Il parle du vendredi. Du jour du vendredi. أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا. Ils auront, yani leur couleur sera blanche comme la neige. Ils seront d'une couleur blanche comme la neige. رِيَاحُهُمْ تَسْطَعُ كَالْمِسْكِ. Et ils auront un parfum, masha'Allah. Yani le misk, un parfum, mashallah, qui va sortir d'eux. Yakhudouna fi jibal al-kafur. Ils vont rentrer yani, dans des montagnes d'encens. L'encens, c'est yani, un très très bon parfum. Il s'appelle al-kafur. Yanzuru ilayhim thaqalan ma yatriquna ta'ajjuba. Il a dit, yani, toutes les autres personnes, plus les djinns, ne vont pas cligner de l'œil. Tellement ils vont être étonnés de leur blancheur, étonnés de leur splendeur. Yani, ils vont même pas fermer les yeux. Les ins, toutes les autres personnes et les djinns vont s'étonner. Ils vont être étonnés, rester comme ça, les yeux figés, les yeux fixés, jusqu'à ce que tous ces gens vont rentrer, yani les gens qui sont derrière le Jumu'ah, vont rentrer au paradis. Il a dit, لا يخالطهم أحد إلا المؤذن المحتسب. Et personne ne rentrera avec cela dans ce paradis. C'est un paradis spécial. نعم. Sauf, il a dit, sauf ceux qui guidaient la prière. المؤذنون المحتسبون. Et ceux qui la faisaient le, yani, l'appel à la prière. J'ai dit, sauf ceux qui appelaient à la prière, les مؤذن, et des mu'adhan, pas tous, sauf ceux qui faisaient le adhan pour le visage d'Allah. C'est-à-dire, par exemple, ils ne le faisaient pas à cause de l'argent, mais ils faisaient le adhan à cause du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf ceux-là, il leur est permis d'être bi'idhnillah ta'ala avec quoi? Avec ce groupe. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un hadith 1874, un hadith, masha'Allah, ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, Inna Allah ta'ala yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra's kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha, masha'Allah, masha'Allah. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va envoyer, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoiera à cette nation, spécialement à cette nation, tous les 100 ans, il va envoyer quoi? Il va envoyer quelqu'un qui va lui renouveler sa religion, masha'Allah, tous les 100 ans, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer à cette nation quelqu'un qui fait quoi? Qui lui renouvelle bi'idhnillah azza wa jal sa religion. 100 ans, 50, 60, 70 ans, ensuite la religion, surtout le ilm, comment ça fait faiblir, les ulamas sont morts, etc. Ensuite, 80, 90 ans, quand on va dire khlas, le ilm va couler, va plus avoir de ilm, et voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie quelqu'un qui fait quoi? Qui renouvelle bi'idhnillah azza wa jal la religion et renouvelle le din bi'idhnillah azza wa jal. Pour notre siècle, Allah azza wa jal, il faut dire que masha'Allah a envoyé beaucoup de renouvelateurs, beaucoup. Parmi les plus grands renouvelateurs, c'est sûrement Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou. Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, qui a fait de sorte que Allah azza wa jal a fait de lui quelqu'un qui a fait revivre le hadith. Le hadith allait être enterré. On allait vers un chemin où on allait t'obliger, où on allait t'obliger de suivre une des quatre écoles. C'est tout. Tu ne cherches pas le hadith. Tu es obligé de suivre seulement ce qu'a dit Abu Hanifa, ou Malik, ou Ahmed ibn Hanbal, ou Shafi'i, rahimahumullah ajma'in. Ne cherche pas le hadith. Tu n'as pas de niveau pour chercher le hadith. On allait dans un chemin où les gens, s'ils se basaient sur certains hadiths, ils se baseraient sur beaucoup de hadiths faibles et faux. Faibles et faux. Forgés, menti, des hadiths qui n'existent pas. Cheikh Al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, pourquoi? Pour renouveler le din, spécialement du côté hadith, masha'Allah. Qu'est-ce qu'il a travaillé, masha'Allah? Qu'est-ce qu'il a travaillé dans la sunna, masha'Allah? Il a passé sa vie à travailler quoi? La sunna, masha'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Cheikh Ibn Baz, Allah yarhamou, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil, tous ceux-là sont les grands ulamas, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Donc, masha'Allah, on a été gâtés, il ne nous a pas envoyé un seul alim, il nous a envoyé des ulamas, masha'Allah. Et chaque alim qui mort, c'est une bougie qui s'éteint. Normalement, chaque alim, un grand alim qui meurt, on doit sentir que on a perdu plus qu'un père. Le père, c'est quelque chose, masha'Allah, de cher pour nous. Mais en fin de compte, ce que m'a donné le alim, c'est beaucoup plus que ce que m'a donné mon père. Mon père m'a marié, m'a élevé, m'a acheté une voiture et m'a acheté une maison. Masha'Allah, je n'oublierai pas mon père, je lui ferai beaucoup de doigts. Mais le savant m'a montré comment connaître Allah, m'a montré comment arriver au paradis, m'a montré comment faire pour m'éloigner de l'enfer. Voilà la différence entre le alim et mon père. Naam, la différence entre le alim et mon père. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je crois que naam, il est minuit et quelques. J'arrête bi'idna ta'ala huna. Il reste beaucoup à dire, mais j'arrête bi'idnillah azza wa jal huna. Et inshallah ta'ala, on se rencontre en 5 minutes ou les 10 minutes. Inch'Allah ta'ala, on va commencer les questions-réponses. Je préfère, inch'Allah ta'ala, que vous envoyez vos questions, naam, aux sœurs et aux frères qui sont dans la salle, pour ne pas perdre de temps. Naam, vous les envoyez directement aux frères et aux sœurs, et on laisse les mains pour les jours où c'est spécialement question libre. Naam, pour les jours où c'est spécialement question libre. Naam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في صوت طيب جزاكم الله خير on va commencer inshallah ta'ala d'abord je voudrais dire une chose importante c'est que comme j'ai dit et je l'aurais dit j'ai tellement de lettres dans mon courrier qu'il va m'être un peu difficile de répondre à toutes celles qui m'ont écrit. C'est pour ça qu'elles doivent un peu patienter. C'est pour ça que chaque personne qui m'a écrit une lettre, qui m'a posé des questions dans une lettre, et qui voudrait que je lui réponde maintenant directement de sa lettre, elle peut me dire seulement ou bien envoyer à la sœur si elle veut rester anonyme à l'envoi aux deux sœurs ici seulement le nom du pseudo hein, elle dit par exemple moi c'est X et moi je lui réponds comme ça directement sans citer son nom la même chose pour les frères il y a quelqu'un yani, qui m'a envoyé une lettre je lui ai pas répondu qu'il me le dise maintenant je lui réponds directement c'est mieux qu'il attende encore 20 jours ou là, un mois ou là c'est mieux donc je donnerai priorité à ceux qui m'ont écrit d'abord avant ceux qui posent aujourd'hui la question. Tayyib, c'est à qui le premier inshallah tfadal inshallah ta'ala on commence ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je connais une sœur qui sent son cœur se serrer et c'est régulier et pourtant la sœur alhamdoulilah cherche le ilm et cherche à se rapprocher d'Allah azza wa jal et malgré ses efforts elle sent son cœur se resserrer. Alhamdulillah haqqa hamdih wa salatu wa salam ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le serment du cœur dont je parlais. Naam, ça c'est un autre serment. Naam. Quiconque veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et est sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala et fait des efforts pour se rapprocher, Allah azza wa jalla l'aide et lui ouvre son cœur et lui ouvre bi'idna ta'ala, lui élargit sa poitrine bi'idna azza wa jal. Naam, si celles-là sont un serment, il faudrait qu'elle voit yani, quelle est la chose qui fait de sorte qu'elle sent ce serment. Peut-être qu'elle sait qu'elle est en train de faire par exemple des choses qui ne se font pas. Des fois je suis sincère et ça, mais en même temps je sais que je fais des choses qui ne se font pas, je sais que je suis en train de faire de haram quelque part, yani soit en parlant par exemple au téléphone avec un homme, soit je ne sais pas, je sens que je fais le haram. C'est pour ça que j'ai toujours ce serment dans mon cœur. Mais quand quelqu'un, comme je disais, il est sincère, inna azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir sa poitrine jusqu'à ce qu'il sente que un immeuble, il peut le rentrer binna ta'ala dans sa poitrine, tellement elle est large. Naam. Donc toi, inshallah ta'ala, sois confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui va passer, c'est quelque chose bi-idnillah qui va passer, sauf si, Allah subhanahu wa ta'ala alam, sauf si quelque chose qui a rapport avec la ruqya, sauf si c'est quelque chose qui a rapport avec la ruqya. Vous savez que quiconque, par exemple, qui est ensorcelé ou là, qui a un djinn, ils sont toujours avec lui, ils sont un serment, yani dans son cœur qui ne le lâche jamais, celui-là. Il doit faire une ruqya, ça c'est autre chose. Mais bi'idnillah azza wa jal, Allah ta'ala يعني c'est seulement une étape et ça va passer بإذن الله عز وجل. طيب طيب il y a quelqu'un qui dit voilà mon nom, je vais le chercher ici très vite dans la salle s'il y a ce nom. طيب d'ailleurs je préfère de l'écrire, c'est nul. Je veux dire que ceux qui m'envoient leur pseudo, il faut m'envoyer comment vous le même pseudo que vous m'avez envoyé. Naam. Si vous m'envoyez un autre pseudo, je ne le connais pas. Comme le R, il y a R qui la fois passée, il m'écrivait ici, je ne sais pas quoi, Chouisni ou là quelque chose comme ça. Naam. Ensuite, quand je suis rentré, aujourd'hui, je cherchais, j'ai trouvé ce nom, mais c'est pas Chouisni. C'est Razouani. Razouani Houssin. C'est comme ça que c'est venu. Lui, quand il m'écrit seulement Houssin, moi, je ne peux pas savoir qui c'est. Il faut m'écrire Razouani Houssin. Là, je connais. Naam. Ça y est. On va commencer par ma première personne a dit, une seconde, elle a donné un nom comme ça. Ça y est. Je vais voir si j'ai ce nom. En même temps, est-ce que celui qui m'a parlé des abeilles, est-ce qu'il est là? Et est-ce que la sœur, et est-ce que la sœur qui m'a parlé aussi de l'Aden, est-ce qu'on pouvait suivre le l'Aden par l'internet? Est-ce qu'elle est là, cette sœur aussi? Voilà deux questions ici. La sœur me dit, Inch'Allah Ta'ala, si elle est là. Pour confirmer, c'est tout. Elle a dit, je suis là, mais c'est pour confirmer. C'est écrit. Salam alaikum. Je vous remercie pour les cours que vous donnez sur plateau, que ça m'apprend beaucoup, que la vous récompense. Amin. Ensuite, j'ai deux questions, Inch'Allah. Une sœur voudrait les délits au sujet qu'un enfant eut dans le haram, que son père n'a aucun droit sur lui. Et savoir que faire pour réparer la chose si elle s'est repentie. Peut-être se marier par la suite. Ensuite, je voudrais savoir comment faire avec mon fils, mon enfant qui n'arrête pas de mentir pour un rien. Il a 10 ans, j'habite à Paris, je l'ai mis dans une école arabe, etc. etc. Est-ce qu'elle est là, la ourte? Est-ce qu'elle est là, bi'idnillah ta'ala? Et j'attends qu'elle m'écrive numéro 1. La sœur pour le adhan est là. Naam, la sœur pour le adhan, je te réponds, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala ashraf mursalin. Le adhan, quand on l'entend à la radio ou là à la télévision ou là dans n'importe quel endroit, quand on l'entend, il y a seulement deux sortes de adhan. Ou bien on l'entend en direct, ou bien on l'entend en différé. Si on l'entend en direct, ça veut dire maintenant que je suis en train de l'entendre à la radio, il est en train de faire le adhan. Ça, l'avis le plus juste, bi'idna azawajal, c'est de répéter avec lui. C'est de répéter avec cet adhan. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous entendez l'adhan, vous répétez avec lui. Et celui-là, je suis en train de l'entendre et il est en train de le faire en direct. Et le deuxième adhan, c'est quand on entend un adhan qui est différé. Par exemple, maintenant moi, je vais vous dire, écoutez le adhan de la mosquée, la grande mosquée ici. Et je vous fais entendre un adhan, celui du Zohar par exemple. Il n'est pas en direct. Celui-là, tu n'es pas obligé de le suivre, car il n'est pas en train de faire le adhan maintenant. Naam. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala, pour le adhan. Naam. Pour la sœur, dont je viens de lire deux questions, elle ne m'a pas répondu. Tayyib. Donc on passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre. Posez-moi une question ici sur la salle. Posez-moi une question, le temps que je passe à une autre, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib. Salam alaikum, je vous fais chier, je vous dirais, j'ai une question sur le mariage, sur la question de l'Aden pour la femme. Non, je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala. Hadi, je vais lui répondre, Inch'Allah Ta'ala. Pour confirmer, c'est tout. Est-ce que la ourte est là, la princesse musulmane, est-ce qu'elle est là? Pour confirmer, est-ce que la princesse est là? Je vais chercher Inch'Allah très vite. Je vais chercher très vite Bin Nazam. Avec. Salam alaikum. Y a-t-il un dalil qui dit que lorsque l'on prie sur un tapis et que l'on quitte l'endroit où il y a le tapis, il faut le rabattre sur lui-même? Qu'Allah vous préserve. Y a-t-il un dalil qui dit que lorsqu'on prie sur un tapis et que l'on quitte l'endroit où il y a le tapis, il faut le rabattre sur lui-même? Qu'Allah vous préserve. Il n'y a aucun dalil qui dit cela. Il n'y a aucun dalil qui dit cela. On peut faire la prière sur le tapis et le laisser sans le toucher, sur le même endroit, jusqu'à ce qu'on revienne dans une semaine ou la 10 jours ou la 1 mois, sans toucher, sans jamais toucher le tapis, ni le rabattre, ni rien faire, bi'idnillah azza wa jalla. Il n'y a aucun dalil. Ça peut même rentrer dans la bid'a. Ça peut rentrer dans la bid'a. Naam. J'attends toujours la confirmation des deux sœurs. Naam, j'attends la confirmation des deux sœurs, bi'idnillah azza wa jalla. Tayyib. Posez une question, inshallah ta'ala. Elles sont là toutes, tayyib. La première ne m'a pas dit si elle est là. La première ne m'a pas dit si elle est là. Celle de quoi? Celle de l'enfant avec. Elle ne m'a pas dit si elle est là. Mais, Malish, oui, elle est là. Elle est là. Là, je vais commencer par la première sœur, bi'idna ta'ala. Commencer par la première sœur. Attendez que je me rappelle seulement son nom. Naam. J'écris son nom ici très vite. Naam. Très vite. La sœur a dit qu'elle serait deuxième. J'ai pas eu cette question. La première question, les dalils au sujet qu'un enfant eut dans le haram, son père n'a pas le droit. Tayyib. En ce qui concerne quelqu'un qui est né dans la zina, quelqu'un qui est né dans le haram, il y a deux grands avis. L'avis de la plupart des ulama, ça s'appelle Jumhur ulama. L'avis de la plupart des ulama de l'islam qui disent que on n'a pas le droit de le faire suivre à son père. Il ne suit pas son père. Il ne suivra que sa mère. Il est l'enfant légal de la mère, pas du père. Il est l'enfant légal de la mère. Pourquoi? C'est la mère qui l'a enfanté. Il va la suivre, vivre avec elle, et quoi? Et l'hériter. Et elle l'hérite si lui il meurt. Et cet enfant, si c'est une fille, par rapport à l'homme qui a fait le haram avec sa mère, si c'est une fille, elle dit, son père, enfin pas son père, cet homme, elle est pour lui une rabiba. Une rabiba, ça veut dire que cet homme ne peut pas se marier avec cette fille, puisque c'est lui qui l'a eu de la femme. Mais ses enfants, à lui, peuvent se marier avec cette fille. Non, parce qu'elle est seulement une rabiba. Une rabiba. C'est la vie de la plupart des ulama de l'islam. Ensuite, il y a un autre avis de Ishaq ibn Rahawih et Abu Hanifa et Ibn Taymiyyah al-Rahmatullah et aussi Ibn al-Qayyim. Ils ont dit si le père veut le faire suivre à lui pour que l'enfant yani, ne soit pas n'est pas beaucoup de problèmes. Son enfant va avoir des problèmes. Fils de Zina, les gens vont lui dire fils de Zina, etc. Il a dit, dans ce cas, le père peut le prendre à lui. Peut le prendre à lui et yani, le faire suivre à lui. Yani, le faire suivre à lui. Yani, être son père. Ça, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah et de Abu Hanifa et de Ishaq ibn Rahawih. Bien sûr, il est possible de prendre de cet avis, surtout si c'est un converti qui est nouveau, etc., tu lui dis, il ne sera pas ton fils, ça va yani, lui faire beaucoup mal. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Et je dirais que, je vous donne la règle, quand un homme fait la zina avec une femme, si elle est enceinte, bien sûr, il ne peut pas se marier avec elle. En général, un homme qui fait la zina avec une femme ne peut pas se marier avec elle, sauf s'ils font les deux, ils font le repentir sincère. Et bien sûr, si elle est enceinte, il faut qu'ils attendent qu'elle accouche. Ils ne peuvent jamais se marier avec lui en étant enceinte. Il faut qu'ils attendent les deux que l'enfant naisse. Ensuite, ils vont faire le repentir, le vrai repentir sincère avec les 3 ou 4 conditions. Ensuite, ils peuvent, bi'idnillah ta'ala, se marier s'ils ont vraiment regretté le passé. Naam. Mais s'ils n'ont pas fait le repentir, ils ne peuvent pas. Hein? Certains vont dire, classe, allez, on se marie, ça. Avant de te marier, est-ce que tu as fait le repentir? Est-ce que tu as regretté? Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as dit que, classe, je ne vais plus refaire cette chose, etc. Si tu as fait le repentir, d'accord. Si tu n'as pas fait, on ne peut pas se marier. Bi'idnillah azzawajal. Naam. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour la deuxième question, c'est en ce qui concerne l'enfant qui, elle a dit, un enfant, j'ai mis dans le cas, qui ment beaucoup, etc. Je voudrais savoir si j'ai le droit de m'envoyer dans une école étrangère pour la fin de sa langue, j'ai dit, non. Pour quelqu'un qui ment beaucoup, c'est toujours un enfant. C'est toujours un enfant. On va essayer de lui apprendre, on va essayer de lui inculquer. On lui inculque, yani, l'islam, et on lui montre que, yani, mentir en islam, c'est un grand péché, et que, yani, on lui parle toujours de ces choses-là, jusqu'à, inshallah ta'ala, ce qu'il soit mûr, et, parce que maintenant, quand il ment, il n'a pas de péché, jusqu'à ce qu'il soit, bin ta'ala, yani, pubère, il soit mûr, inshallah ta'ala, il comprendra, et bi'idnillahi ta'ala, il s'en éloignera. Non. Nous, notre devoir, c'est de lui montrer. Maintenant, il est jeune, il ne sait pas ce que c'est, il joue, etc. Mais inshallah ta'ala, quand la foi va rentrer dans son cœur, inshallah ta'ala, je suis sûr qu'il s'en éloignera. Pour l'envoyer maintenant à l'étranger, c'est seul, bi'idna ta'ala, toi tu sais. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, yani, qu'est-ce qu'il attend là-bas, je ne sais pas, yani, qu'est-ce qu'il lui a préparé là-bas, je ne sais pas là-bas chez qui il va, je ne sais pas, yani, quel est son caractère, je ne sais pas. Yani, il faut faire salat istikhara bi'idna azza wa jal. Et yani, voir si cet enfant par exemple peut patienter là-bas, etc. Et faire l'istikhara et prendre inshallah ta'ala une décision, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il t'aide et qu'il te montre, yani, ce que tu dois faire bi'idnillahi azza wa jal. Mais fais l'istikhara et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et maintenant, on va passer à l'autre message bi'idna azza wa jal. Et puis c'est la sœur, une seconde. Je vais chercher ce pseudo si je l'ai. Hein. Ça y est. Pour le deuxième, je ne l'ai pas. Non. Pour le deuxième, j'ai pas ce pseudo que je viens d'écrire. Non. Ça y est, il y a une soeur ici, pour qui je suis la soeur en question, dont il parle pour le courrier. Peux-tu lui donner le nom de pseudo pour qu'il me réponde? Mais elle n'a pas dit quel pseudo elle est. Ici, c'est Annabiya. Annabiya. Moi, j'ai écrit Annabiya, ça donne rien. J'ai écrit Annabiya, ça donne rien. Bi'idnillah azza wa jal. Je vais voir la troisième personne. La troisième personne qui demande de répondre à la troisième personne. Cette personne, inshallah ta'ala, je l'ai. Cette personne, je l'ai. Je connais bien son pseudo. Je vais lui répondre, bin azzawajal. J'attendais que je fasse sortir sa lettre très vite. Naam. Salam alaikum. La horte dit salam alaikum. Si je peux me le permettre, j'aimerais vous conseiller dans mon affaire, car la récompense est un peu longue. Je m'excuse pour que je vous explique. Je me suis marié il y a 2 ans à peu près, où j'ai vécu mes 2 premiers mois chez mes beaux-parents qui m'aiment beaucoup. J'en ai ainsi profité pour faire le rappel à ma belle famille sur l'importance de se concentrer sur la prière. Car j'ai remarqué que seul le père priait dans toute sa famille, et j'ai su aussi que ma belle-mère, ma belle-sœur était beaucoup touchée par la sorcellerie. Et que la guide et la guérisse, enfin. Je lui ai prêché sur la gravité de commettre le shirk, car ses croyances sont présentes chez la famille. Innovation sur les tombes, etc. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. طيب. Lorsque j'ai quitté le foyer, quelques semaines après, mon mari m'a dit, alors qu'il revenait chez sa famille, que sa famille m'a accusé de leur avoir fait de la sorcellerie chez eux. Qu'Allah nous en préserve. Ce qui m'a beaucoup choqué, attristé. Alors je me suis senti durement opprimé depuis ce jour. Opprimé. Depuis ce jour, j'allais les voir alors qu'ils ne disaient rien en face, mais me le faisant comprendre par les actes en m'ignorant. J'étais alors surveillé où que j'allais. Je ne pouvais invoquer Allah Azza wa Jalla seul sans associer, comme dans mes habitudes, sans qu'on me soupçonne d'invoquer autre chose en dehors d'Allah. Je ne pouvais lire le Coran sans qu'on me dise « Qu'est-ce que tu lis ?» On ne comprend pas, soupçonnant encore que je lisais autre chose que du Coran, en fouillant dans mon Coran qu'il n'y avait rien de soupçonnant. Alors moi, dans mon malheur, j'invoque Allah et je patiente malgré cette lourde accusation en les visitant, à ne leur dire que du bien et à continuer à les prêcher et leur faire des cadeaux en espérant qu'ils retournent à Allah, mais les choses ne sont pas arrangées. Alhamdoulilah, aujourd'hui, ils ne veulent plus me voir. Avant, ils ne voulaient plus me voir, mais j'y allais tout de même, en espérant la récompense d'Allah. Mais maintenant, ils ne m'ouvriront plus la porte, alors je ne sais plus comment faire. D'une part, j'aimerais les rencontrer afin de me défendre de leurs accusations, car je suis resté silencieuse pendant 2 ans, en espérant qu'ils reviennent d'eux-mêmes à la vérité. Mais ils ne veulent rien entendre, et d'autre part, j'aimerais continuer à la visiter, car mon mari part seul avec mon fils de 10 mois, ce qui ne me plaît pas. Voilà, chère, j'espère que vous me conseillerez à ce sujet, et vous m'indiquerez le meilleur comportement à suivre, afin de plaire à Allah, et qu'Allah vous accorde le paradis, etc. Amin, Yarbil Alamin. Réponse, Inch'Allah Ta'ala, pour répondre à cette sœur, bi'idnillahi azza wa jalla. Premièrement, sache que chaque personne en laquelle on dit des calomnies, par exemple, et des choses qu'elle n'a pas faites, c'est quoi? C'est des grandes récompenses que Allah Ta'ala veut lui donner. Naam. Il y a un hadith sahih. Il y a un hadith sahih. Une femme avait un bébé qui était en train de téter sur sa poitrine. Il était en train de la téter. Elle le prenait dans la poitrine, il était en train de téter. Ensuite, est passé, masha'Allah, un homme, masha'Allah, une grande responsabilité, un riche. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Elle a dit, oh Allah, yani, rends-moi comme cela. Ou bien, rends mon fils comme cela, quelque chose comme ça. Le bébé qui est en train de téter son sein a lâché sa poitrine et l'a dit à Allah, ne me rends pas comme celui-là. Ou bien ne rends pas ma mère comme celui-là. Et ensuite, il est toujours en train de téter quand une femme est passée devant elle, et cette femme, on disait d'elle qu'elle faisait la zina alors qu'elle ne faisait pas. On lui collait des choses qu'elle ne faisait pas. Elle a dit, Ya Allah, la taj'alni mithadi. Oh Allah, ne me rends pas comme celle-là. Le petit bébé Ada, il a lâché sa poitrine, il a dit, Ya Allah, rends-moi ou la rends-là. C'est moi qui ai oublié. Comme cette personne. Donc tu vois, celui-là, il a même fait un doua pour qu'il devienne comme cette personne. Pourquoi? Tellement cette personne a dû agréer des récompenses. Et toi, alhamdoulilah, tu n'avais pas des issues pour faire beaucoup de ajr. Maintenant, Allah Ta'ala t'a ouvert une issue. Tu restes chez toi, tu es assise en train de manger, de boire, et il y a les hasanat qui arrivent. Les hasanat qui arrivent, pourquoi? Parce qu'ils disent de toi des choses qui ne sont pas vraies. Ils disent, tu fais la sorcellerie, tu fais le shirk, tu fais ceci, alors ce n'est pas vrai. Déjà, Allah Subhanahu wa Ta'ala t'a aimé, et t'a testé, et t'a donné cette épreuve, et te fait venir des récompenses sans que tu fasses quelque chose. Awalan hada, masha'Allah alik. Hada, masha'Allah alik. C'est quoi? C'est un degré, masha'Allah, dans la foi. Naam. Et demain, bi'idna azza wa jal, quand on va mourir, si ces personnes ne vont pas te demander le pardon avant de mourir, tu prendras de leur hasanat. Allah azza wa jal va les faire mourir et va leur prendre de leur hasanat à cause de ce qu'ils ont dit sur toi. S'ils n'ont pas de hasanat, Allah azza wa jal va prendre de tes péchés et va les mettre sur leur dos. Voilà, pour avoir parlé sur cette femme et dit des choses qu'elle ne dit pas. Donc tu dis alhamdoulillah, c'est quoi? C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à toi et leurs parents et les parents de ton mari, tu n'as, puisqu'ils ont dit cela, tu n'as aucun lien avec eux. pensez une occasion de leur parler au téléphone ou là vous vous rencontrez ou là, tu fais comme si de rien n'était, tu vas comme si de rien n'était, quand il n'y a pas d'occasion et ce n'est pas la peine d'aller, ce n'est pas la peine d'y aller, parce que les parents de la femme, pardon, les parents du mari, ce ne sont pas des mahrams, ce ne sont pas des gens, pardon, ce ne sont pas celles de Rahim, ce ne sont pas des gens qu'on est obligé d'aller chez eux. Ce ne sont ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes sœurs. Ce sont les parents de ton mari. Et maintenant, je vais chez des gens qui vont me faire des problèmes. Il vaut mieux que, bi'idhna ta'ala, je reste chez moi. Naam. Et si jamais l'occasion se présente, surtout si c'est eux, par exemple, qui viennent chez toi. Là, il faut, inshallah ta'ala, parler pour leur montrer que ils sont dans l'erreur et que tu leur dis, moi, j'ai patienté en la cause d'Allah Azza wa Jal. J'ai patienté en la cause d'Allah Azza wa Jal. Mais moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis seulement une chose. Je vous dis, hasbunallah wa ni'mal wakil. Je vous dis, hasbunallah wa ni'mal wakil. Demain, on va mourir et vous allez voir la chose que vous avez dite. Elle est tellement grave que vous allez voir demain qu'est-ce qui va se passer. Moi, au fawidu amri ilallah. Moi, je ne vous dis rien. Je ne fais pas de doua contre vous. Mais demain, quand on va mourir, je demanderai mes droits. Voilà, il faut leur parler pour qu'ils sachent que tu n'es pas, que tu n'es pas dans l'erreur, pour qu'ils sachent que ce sont eux qui se sont trompés, car peut-être qu'ils croient que vraiment tu fais de la sorcellerie, etc. Je leur dis, moi j'ai patienté à cause de votre fils, à cause de mon mari qui est votre fils, j'ai patienté, mais demain bi'idhna ta'ala, je vous demanderai devant Allah. Tu leur dis comme ça, tu les feras trembler. Naam, tu les feras trembler jusqu'à ce que certaines d'elles, elles vont partir aux toilettes, bi'idhnillah. Naam, subhanallah wa ni'mal wakil. Maintenant, il y a une sœur qui s'appelle, une seconde, Tayyib. Est-ce que je reviens à la sœur? J'aimerais savoir, je sais plus comment je vais envoyer. Naam, bi'idhnillah, je peux répondre à cette sœur. Mais avant elle, il y avait une sœur qui s'appelait Princesse. Est-ce qu'elle est là? Non. Il y avait la sœur du Comore. Est-ce qu'elle est là? La sœur, si elle est là, sinon, inshallah ta'ala, on passe à une autre. Non. Donc, je repose ma question. Est-ce que la sœur du Comore, est-ce qu'elle est là? Dans la salle, inshallah ta'ala, posez une question pour qu'on ne perde pas de temps. Posez une question dans la salle. Non. Inch'Allah ta'ala, je vais répondre aux deux sœurs, N92 et Om numéro 1, yahoo.fr. Je vais répondre, Inch'Allah ta'ala. Naam. Une seconde. Je parle seulement de la sœur si elle est là. Abdullah, tu as dit elle est là, la sœur du Como, elle est là. Vous avez parlé des savants, mais on sait que dans toutes les voies, parmi 73, il y a des ulama qui guident. Comment choisir savoir si c'est un bon alim? Naam. Pour savoir si c'est un bon alim ou si c'est pas un bon alim, on doit une seconde, je vais répondre, je vois une chose ici. Naam. Oui. Pour savoir si quelqu'un est un bon alim ou là, il n'est pas un bon alim, on ne se base pas sur les passions. On ne se base pas sur les passions. On se base sur quoi? On se base sur ce que disent Al-Sunna ou Al-Jama'a. Naam. C'est pas, on va se baser sur nos passions. On va dire par exemple, ce alim, celui-là n'est pas un alim. Naam, il n'est pas un alim. Pourquoi? Parce que par exemple, il est ministre, donc ça c'est pas un alim, il dit pas la vérité. On dit comme font les tekfiriyoun, comme ça ils disent les tekfiriyoun, ils disent on n'a jamais entendu ce alim par exemple se lever et dire au président de la république, toi pourquoi tu fais ceci, c'est haram, etc. Donc c'est pas un alim, il dit pas la vérité, c'est un mourji celui-là, il dit pas la vérité et il cache la vérité. Non. Il faut connaître les principes de Al-Sunna al-Jama'a qui disent que quand on veut faire la nasiha à quelqu'un, on l'a fait en cachette, pas devant tout le monde. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليخلو به وليأخذ بيده فإن قبل فذاك وإلا فقد بلغ فقد أدى الذي عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand on veut faire une nasiha à quelqu'un qui a une grande responsabilité, on ne lui dit pas comme ça devant les gens, mais on reste seul avec lui et on le prend par la main, on lui dit, on le prend par la main, comme ça a dit le prophète alayhi salatu wasalam. S'il accepte, masha'Allah, s'il n'accepte pas, tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc certains gens qui ne connaissent pas ce hadith disent, puisque le alim X, on ne l'a pas vu parler comme ça devant tout le monde, donc c'est pas un alim. Alors que lui, le alim Rabbani, il a appliqué ce hadith. Il a dit, j'applique ce hadith, je ne dis pas devant tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai lu une fois, j'ai lu Cheikh Fouzan, Afidahullah, Cheikh Al-Abbad et Cheikh Ben Baz, Allah yirahmou. Si vous saviez combien de fois ils ont écrit au roi d'Arabie Saoudite, vous vous étonnerez. Vous vous étonnerez combien Cheikh Ben Baz, Allah yirahmou, Cheikh Fouzan ont envoyé de lettres au président, au roi, pour lui dire attention, ça c'est haram, attention, il ne faut pas faire cela, attention. Allah, quelqu'un m'a raconté, il m'a dit, lorsque le roi en personne assistait yani aux réunions et Ibn Baz rahimahullah parlait, disait quelque chose, le roi en personne ne pouvait pas parler et baisser sa tête. Naam, lorsque Ibn Baz disait ça, ça se fait pas, ça c'est haram, ça c'est que le roi en personne baissait ses yeux, il ne parlait pas, tellement il sait que Ibn Baz ala rahmatullah, il ne joue pas avec le feu. Quand c'est quelque chose de haram, il le dit. Quand c'est quelque chose de ça se fait pas, il dit ça se fait pas. Quitte à ce qu'on lui coupe la tête. Et comme ça a été dit, ulama, bidna azzawajal. El muhim, je reviens là, Ousmo, à la question de la sœur, bidna azzawajal, très vite ici. Je dois d'abord. Chercher le Oumaima, ça. Moi j'ai trouvé le prénom, une seconde. La hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pas trouvé, c'est pas mal à l'aise. Moi je l'ai lu seulement hier ou là aujourd'hui. هذا هو كنت نبيجي سن مونتي شو سفاس سبحان الله العظيم. طيب pour Oumaima bin Ta'ala. Comment allez-vous, cher? J'ai encore des questions à vous poser. Premièrement, je voulais avoir quelques conseils, mais Fadlik, selon vous, quelles sont les questions qu'il ne faut pas oublier par leur importance de poser à un frère pendant une muqabala pour le zawaj? Naam. Premièrement, en ce qui concerne la muqabala, il y a des ulama qui ont dit qu'il est possible de parler, il est possible à la femme qu'elle parle. Et il y a des ulama qui ont dit, il n'est pas possible qu'elle parle. ceux qui ont dit n'est pas possible qu'elle parle, c'est comme Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit la femme voit seulement le prétendant, elle le voit seulement et elle ne parle pas. Et ceux qui ont dit elle parle, ceux qui ont dit elle parle, elle parle devant son mahram, c'est pas en tête à tête avec lui, et elle pose quelques questions. Yani, c'est pas ça le plus important de parler. Le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est d'envoyer des gens, chercher. Ils ont fouillé, c'est quoi fouiller? Demander, d'envoyer des gens. Yani, on demande aux gens qui le connaissent, les gens avec lesquels il est du matin au soir. C'est ceux-là qui vont nous dire, se renseigner. C'est ces gens qui vont nous dire, voilà, cette personne est bien, ou cette personne, yani, éloignez-vous d'elle. S'informer, naam. Je vais vous dire pourquoi. Quand tu vas, toi, tu vas lui poser la question le jour de la muqabala. Lui, déjà, des voix. S'il voit seulement, il voit quoi? Il voit que tu es par exemple une salafia, il peut quoi? Il peut, yani, feindre qu'il est salafi. Il peut feindre qu'il est salafi. Donc, ça c'est une chose facile. C'est une chose facile, il peut la faire. Mais, ce qu'il faut ce jour-là, c'est, yani, c'est pas facile de poser les questions. Et ouais, il voit que tu es salafi, ou que tu as le sitar ou là. Il va dire ça là, c'est Wahhabia, c'est Ibn Baz. Donc peut-être qu'il va même mentir et te répondre par certaines réponses, juste pour faire plaisir. Non, il se peut. Mais, l'essentiel c'est quoi? C'est d'envoyer des gens se renseigner. Ce sont ces gens-là qui te diront, Billah Ta'ala, est-ce qu'il faut le suivre ou là est-ce qu'il faut s'éloigner de lui. Ça c'est plus important que les questions qu'on pose ce jour-là. De toute façon, si tu poses les questions ce jour-là, tu poses par exemple sur la aqida et sur le minhaj. Naam. Tu poses sur la aqida, sur le minhaj. Naam. Voilà, quelqu'un qui dit maintenant, Jahal monteur et Témir. Maintenant, je suis un monteur. Naam. Maintenant, moi, Allah Azza wa Jalla a voulu me donner des ajr, inshallah ta'ala. Naam. Tayyib. La deuxième question, inshallah ta'ala. Pouvez-vous me faire une brève description sur la célébration du mariage? Est-ce que la présence de la femme est obligatoire? Ça demande beaucoup de tomber de l'azawji. Mais la présence de la femme n'est pas obligatoire. Il faut le tuteur et les deux témoins. Et les deux témoins, il faut quoi? Il faut qu'ils connaissent la femme. Ils ne peuvent pas témoigner sur la femme qu'ils ne connaissent pas. Naam. Beaucoup de gens font ramener deux témoins, ikhlas. Ramène des témoins qui connaissent la femme. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ. On n'atteste que de ce qu'on connaît. Moi je ne peux pas attester d'une chose que je ne connais pas. Moi il m'arrive des fois, je suis par exemple à la mairie, ça vient une femme, oh mon fils Yaoulidi, mon fils Barakallahu Fik, elle me voit comme ça avec la barbe, oh mon fils Barakallahu Fik, Jazakallahu Fik, tu témoignes avec moi. Je témoigne quoi ma mère? Tu témoignes avec moi que je ne travaille pas. Et moi, je ne sais pas si tu ne travailles pas. Je ne peux pas témoigner. Il faut que je sache que tu ne travailles pas. Et mon fils témoigne avec moi que je n'ai pas de maison. Mais il faut que je sache que tu n'as pas de maison. Je ne peux pas. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Non, c'est comme ça qu'a dit l'Azza wa Jalla. On n'atteste que des choses qu'on connaît. Ça y est. Il a dit aussi, إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Sauf ceux qui ont attesté de la vérité tout en connaissant. وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et tu me demandes des choses, je connais. La même chose ici. Quand on va attester, les témoins du mariage doivent connaître la femme. Ou alors, elle doit être présente, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin. Si elles ne la connaissent pas, elle doit être présente et son mahram la montre. Il va dire, c'est celle-là. Celle-là que je vais donner aujourd'hui comme mariage. Ou bien, il doit la citer par son prénom, et par la chose dont elle diffère des autres frères. Il dit par exemple, aujourd'hui, je suis l'autre, par exemple le marié, aujourd'hui je voudrais vous demander votre fille, par exemple, qui va à la faculté. Et il a une seule fille qui va à la faculté. Toutes les autres, reste à la maison. Ça veut dire, voilà, c'est cette fille, une seule qui va à la faculté, c'est pas les autres. Mais s'il dit seulement comme ça, je te donne ma fille, qui c'est ma fille? Moi, je ne peux pas témoigner d'une fille, je n'ai jamais vu, je ne sais pas ce qu'elle sait, qui est-elle. Demain, on va m'appeler il va y avoir un problème, on va me dire, toi, tu étais témoin de la fille. Je dis, oh là, je ne sais quoi, je la connais pas. On va me dire, il s'est marié avec celle-là. Il dit, oh là, je ne l'ai pas vu, je la connais pas. Subhanallah. Al-Muhim. Donc, la femme, c'est pas obligé qu'elle soit présente. Elle a qui? Elle a son tuteur, Bidna Ta'ala, qui est avec elle. Bidna Azzawajal. Enfin, étant donné que dans les douloureux sur la salat, on nous parle de la destruction de la salat des hommes à la mosquée et non celle des femmes à la maison. Je voudrais savoir comment. Est-ce que la femme prie à la maison quand elle est seule ou en groupe? La femme, quand elle est à la maison, si elle est en groupe, elle prie en groupe. Si elle est seule, elle est seule. Elle prie seule. S'ils sont en groupe, ils prient en groupe. Si elle est seule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie seule, bi'idhnillahi ta'ala. Mais s'ils sont en groupe à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Ils font la prière en groupe. Et la femme, quand elle guide, elle ne sort pas. Elle reste à l'intérieur. Yani, elle reste au milieu des gens. Elle ne sort pas. Elle ne fait pas comme l'homme. Elle reste au milieu et elle guide. Qui fait l'adhan et la iqama? Naam. Si les femmes vont faire la prière seules, sans qu'il y ait un homme avec eux, une des femmes fait le adhan et elle-même ou une autre fait la iqama. Il n'y a pas de problème. Une des femmes fait l'adhan, elle ne le fait pas fort. Elle fait s'entendre elle-même comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Shaydun la ilaha illallah, Shaydun la ilaha illallah. Et comme ça. C'est pas la fin qu'elle dise qu'elle entende les autres. Seulement, elle s'entend elle-même et le groupe qui est avec elle. Non. Comment se déroule l'imama de la femme? L'imama de la femme, c'est comme je viens de dire. Elle reste à l'intérieur, elle ne sort pas. Non. C'est quoi qui se dit dans... Non, tamallah. C'est pour ça que je dis que ceux qui sont dans la salle, ils doivent de temps en temps jeter les coups d'œil dans les surnoms ou dans les épisodes. Où doit se placer celle qui dirige la salat? Celle qui dirige la salat doit rester au milieu. Au milieu du rang. Et elle dirige. Quel est le laps de temps qu'elle doit observer entre les deux appels? Naam. Quels sont les deux appels? Quand elle fait le adhan, naam, elle peut, dès qu'elle termine l'adhan, il prend quoi? Ils peuvent commencer à faire l'iqama. Naam. Si elles sont pressées, c'est pas la peine d'attendre. Si elles sont pressées. Si elles ont du temps, elles font 2 ou 4 rak'a avant le salat, si c'est pas le dhuhr. Elles font l'adhan, 4 rak'a avant le dhuhr et ensuite elles font la salat, c'est mieux. Mais si elles veulent pas, elles font directement. Est-ce qu'elles doivent faire 2 rak'a entre les deux appels? Est-ce qu'elles doivent faire... J'ai dit, je viens de répondre, j'avais pas lu la question. En principe, après l'appel, on fait quoi? On fait la prière, la ratiba. Si c'est le dhuhr, on fait 4 avant. Naam. Et ça, la sunna du dhuhr par exemple. Naam. On fait la salat rawatib. Est-ce qu'elles doivent répéter après avoir entendu l'adhan et dire le dua après l'iqama? Naam, c'est la même chose. C'est comme si un homme avait fait l'adhan. Quand elle termine l'adhan, les autres elles disent l'homme arba dit da'watam wa salat qa'imat et muhammadin wa sila wa fadil wa ba'atou maqam mahmoudin ladhi wa'atta. Naam. J'ai entendu dire que vous ferez inshallah ta'ala un dars sur le zawaj. Vous l'avez fait? Sinon, ce dos est prévu pour quand, Inch'Allah Ta'ala? Inch'Allah Ta'ala, quand je termine la salat, on vient juste la commencer. Quand je la termine, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer, bi'idhna Azzawajal, dans le Zawaj, bi'idhnillah Azzawajal. Ça y est, posez une question dans la salle, Inch'Allah. Posez une question dans la salle, Inch'Allah Ta'ala. Tant que je cherche pour une sœur aussi. Non. Où est-ce qu'elle est la question? Est-ce qu'elle est la question sur la salle? Je la vois pas. Pour avant de répondre à cette question, nous sommes musulmans, moi et ma femme, et je voudrais savoir si bidallah on rentre au paradis, si on sera toujours ensemble. Inch'Allah, je vais te répondre. Inch'Allah, juste une seconde. Pour la sœur Oum Mouad avec Z, Naam, quand elle m'a envoyé ici Oum Mouad, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je sais que j'ai cette lettre, mais je ne l'ai pas trouvé, car elle a envoyé à la sœur, c'est pas la même écriture. S'il manque une lettre, ou là il manque le petit trait, je ne sais pas, peut-être il y a un trait entre Oum et Mouad. S'il manque un trait, je ne peux pas trouver la lettre. Il faut qu'elle me donne comme c'est écrit chez moi. Moi j'écris son surnom et je clique sur recherche. Si c'est écrit comme elle m'a envoyé, je la trouve. Maintenant Oum Mouad avec Z, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Elle a dû se tromper en m'écrivant. C'est écrit O-U-M. O-U-M, Oum, ensuite espace, et il n'y a rien, c'est vide. M-O-U-D, M-O-U-A-D-Z. En principe, le Hotmail ou là n'accepte pas vide. O-U-M, ensuite un vide. Ça n'accepte pas, il doit manquer quelque chose. Non, cette chose qui manque, à cause de cette chose qui manque, je ne peux pas lui trouver sa lettre. Voyez, non, quand quelqu'un est marié à une femme, demain, bi'idna ta'ala, quand les deux meurent, quand les deux meurent, la femme sera avec son mari au paradis. Ils seront toujours ensemble, sauf si l'un des deux n'accepte pas. Ou bien, sauf si, lorsque l'homme meurt avant la femme, elle se remarie. Hein? Si elle se remarie, elle sera avec le deuxième mari et pas avec le premier. Car le prophète alayhi sallam a dit que la femme avec le qui? Avec le dernier mari. La femme sera toujours avec le dernier mari. C'est pour ça que si elle veut rencontrer son mari, si jamais il meurt, elle ne doit pas se marier bi'idhni azawji. Non, elle ne doit pas se marier bi'idhni dahi azawji. Sinon, inshallah ta'ala, elle est au paradis avec son mari. Non. Autre question, inshallah ta'ala. C'est le temps que moi, inshallah ta'ala, je cherche aussi aux autres frères et sœurs qui m'ont envoyé. Ben Tachmi, je voudrais savoir si quand un mal nous touche, par exemple une maladie, mais que l'on ne le soigne pas, on ne la soigne pas, car on sait qu'elle vient d'Allah et on sait que l'on aura la récompense, inshallah ta'ala. Si c'est une chose pas très grave, pour avoir plus de récompense, en patientant. Et quand faire cela, voilà qu'Allah nous récompense. Je répète, je voulais savoir si quand un mal nous touche, par exemple une maladie, et que l'on ne se soigne pas, car on sait qu'elle vient d'Allah et on sait qu'on aura une récompense, inshallah ta'ala. Je ne sais pas déjà pour avoir plus de. Naam. Quand quelqu'un est malade et que la maladie n'est pas grave et il sait que elle ne va pas lui faire des problèmes, cette maladie ne va pas lui causer des problèmes au point où il risque de, comme on a dit, de mourir ou là, et il ne veut pas se soigner, il veut patienter, il est libre, comme la femme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire un doua pour qu'elle guérisse, et lui a dit, est-ce que tu guérisses ou tu voudrais le paradis? Elle lui a dit, alors je voudrais le paradis, et khlas, ne me fais pas de doua pour guérir, je veux le paradis, c'est tout, je vais patienter. Car il lui a dit, choisis, tu veux patienter ou là tu veux le paradis? Elle a dit, je veux patienter. Il lui a dit, alors, yani, inshallah ta'ala, tu auras le paradis. Elle a dit, seulement fais-moi un doua pour que quand je tombe, je ne me découvre pas. Car quand je tombe, je suis malade, quand je tombe, je m'évanouis et je me découvre. Il lui a fait un doua que, à chaque fois qu'elle tombe, elle ne se découvre pas. Et elle a accepté sa maladie et, inshallah ta'ala, pour yani, plaire à Allah et rentrer au paradis. Donc, si on est malade d'une maladie qui ne nous gêne pas et qui ne nous cause pas des problèmes, qu'aux problèmes de santé, parce qu'on ne peut pas faire bien la prière, on ne peut pas jeûner, etc. C'est une maladie simple qui ne fait rien, et tu veux patienter, tu as des ajr, inshallah ta'ala. Mais si elle te cause des problèmes, etc., il vaut mieux se soigner. Il vaut mieux se soigner. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Tamallah, Tamallah, tu es là, écrit numéro 1. Écrit numéro 1. Naam. Tamallah, chauffe, en haut. En haut, c'est écrit sitting. Sitting. Tu vois en haut, c'est écrit sitting? Naam. Ensuite, c'est écrit, ouvre, ouvre, oui, c'est écrit sitting. Ouvre avec moi, tu es, c'est écrit, si tu as le, le nouveau, hein, c'est écrit auto-scroll, time stamp ou l'enchat, bah, c'est écrit, message me in the text as people join room. Là, tu cliques sur lui. Naam, tu coches là, comme ça, quand il y a quelqu'un qui rentre, c'est écrit son nom sur l'affiche, ça s'affiche son nom quand il rentre. Comme ça que tu es au courant des pseudos qui rentrent dans la salle. Dès que tu vois un pseudo qui est rentré qui est mal, tu le fais sortir, hein, pour ne pas me prendre du temps. Barakallahu fik. Naam. Tayyib. Qui pose une question dans la salle, le temps que, inshallah ta'ala, je réponde à une soeur qui m'a envoyé. Bon, Oumou Had, je ne lui ai pas trouvé. Je sais que Oumou Had, je sais qu'elle a une lettre. Je l'ai même lu. Et chaque fois je dis je vais lui répondre, mais aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé à cause de son pseudo qui est écrit mal. Ça y est, maintenant on va passer à Minhaj 2. Une seconde, Minhaj 2. S'il est écrit juste, je vais lui faire sortir la lettre. S'il est écrit juste, Minhaj avec 2 J. 2. Minhaj 2. On dit on va voir la lettre de Minhaj 2. Non, il n'y a pas. C'est écrit faux. Minhaj 2, tu m'as écrit faux ici. Non. Ici, tu as écrit Minhaj avec 2J. 2J, ensuite, un trait en bas et le 2. Là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas comme ça. Ah, mon nom est Nadouba. Parce que là, je lui ai répondu. Est-ce une bid'a de dire Amin à chaque fois qu'on récite, on lit la Fatiha? La Fatiha, on ne dit Amin que si c'est derrière la salat. Naam. Quand on lit le Coran, tu dis par exemple le Coran. Tu lis Fatiha, tu dis pas Amin. Naam. On ne dit Amin que si quoi? Que si on est derrière la salat. On est en train de faire la salat. Quand quelqu'un fait la salat, quand il termine, il dit Amin. Naam. Quand il fait la salat, c'est tout. Sinon, il ne dit pas بإذن عز وجل. Non. Ça y est, une autre question, le temps que je cherche de la Oukht numéro 1. Ça y est, la question ici dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à tous les cours du lundi. J'ai deux questions par rapport à ce cours. La femme doit-elle faire l'adhan même s'il y a des hommes étrangers chez elle, et doit-elle laisser le temps entre l'adhan et l'iqama? La femme ne fait pas l'adhan devant les hommes. Quand elle est seule dans sa pièce, elle fait l'adhan si elle veut. Naam, seule, elle ferme la porte, personne ne l'entend, et elle fait le adhan, elle est libre, elle peut le faire. Mais il ne faut pas que quelqu'un l'entende. Une autre question, mais qui n'a pas rapport avec cela. J'ai une question sur le djilbab. Lorsque la femme sort de chez elle, son djilbab doit-il cacher ses chaussures, c'est-à-dire qu'il traînera forcément par terre? Est-il permis de porter des gants avec son djilbab, mais sans porter ni sitar ni niqab? Non, le djilbab, en principe, il doit descendre jusqu'à ce qu'il touche le sol. Il doit descendre à partir des chevilles de la femme, ensuite un empan, jusqu'à ce qu'il cache, yani, les souliers, il touche pas y aller par terre. Ma'alish, l'essentiel c'est qu'il est long, il descend jusqu'en bas. Même s'il fait montrer un peu de ses souliers, c'est pas haram, parce que ses souliers sont cachés. Sauf si ses souliers sont fitna. Elle a des souliers avec des talons et des souliers qui montrent ses pieds, tout ça c'est haram. Mais s'il cache et il ne montre que le bas des souliers par exemple, ce n'est pas haram, bi'inna azza wa jal. Est-ce que la femme peut porter des gants sans porter le sitar ni le niqab? Bien sûr, elle peut, si elle veut cacher ses mains avec tes gants, elle peut les cacher. Elle est libre, naam. Si elle veut les cacher, elle les cache, même si son visage n'est pas caché. Naam. Astaghfirullah, ouais, tu voulais. Taïb. Maintenant, est-ce qu'il y a une question dans la salle, bi'idnillah? Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Le temps que je réponde aussi aux autres. Il y a les tekfiris qui ont pris le nom du salon du cheikh. Maintenant, il dit qu'il allait prendre le nom de ce doigt. Ça ne fait rien, yani, le les autres connaissent ma voix. Les autres connaissent ma voix, bi'idna azza wa jal. Et hasbunallah wa ni'mal wakil. On dit hasbunallah wa ni'mal wakil. Et en quoi on ne s'intéresse pas beaucoup à eux. Les tekfiriens, si tu veux briser leur dos, si tu veux briser leur dos, qu'est-ce que tu fais? Tu les ignores. Si tu parles beaucoup d'eux, ils vont te faire des problèmes. Alors il faut quoi? Il faut les ignorer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de qu'ils te suffisent quoi? Qu'ils te suffisent leur mal. Leur mal. Naam. C'est pour ça que moi je donne un conseil. Moi je donne un conseil pour celui qui veut. Celui qui ne veut pas prendre de ce conseil, il est libre. Mais je donne un conseil à celui qui veut suivre les conseils bi'idna azza wa jal. Naam. Tout à l'heure, par exemple, il y avait une salle que le frère Abdelmalek, des repères de la Sunna, faisait un dars, alors que les autres, en même temps, ont ouvert une salle de son nom. Les repères de la Sunna, Mourji. En fait, ils ne savent pas ce que c'est l'Irja, mais ils disent comme ça, le Mourji. Comme ils ont dit de Cheikh Al-Albani, ils ont dit les Mourji. Alors, les repères de la Sunna faisaient un dars, ils ont ouvert une salle en son nom, en même temps. Maintenant, moi, je suis avec vous, et eux, ils ont non, les repères de Irja. Maintenant, je suis avec vous, et je vois en même temps dehors qu'ils ont ouvert une salle en mon nom. Yani, Osmari, apprendre l'islam, l'Irja. Apprendre l'islam, yani, l'Irja, que c'est faux, etc. Je donne un conseil à toute personne qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, et toute personne qui me respecte et qui m'aime. Qui me respecte et qui m'aime, de faire une chose pour moi. Si elle me respecte elle-même, elle fait une chose pour moi. C'est quoi? De ne pas rentrer dans des salles pareilles. C'est-à-dire, je sais que vous voulez rentrer pour défendre. Mais, quand tu rentres, classe, il va croire que, mashallah, il a du monde. Mashallah, il dit, mashallah, on est 40, on est 50. Soit tu rentres pour lui dire menteur, jahad, ignorant, mais lui, il voit le nombre. Et les gens rentrent, ils disent, mashallah, cette salle, il y a 50, il y a 60, 70, ils vont tous rentrer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا. Tu alimentes, tu augmentes. Tu augmentes la salle, tu alimentes le nombre. Toi, tu ne rentres pas. Tu dis, حَسْبُونَ اللَّهُ et tu vas lire le Coran, et tu laisses la salle toute seule, comme la bougie. Elle va s'éteindre, toute seule. Quelqu'un qui n'est pas sur le droit chemin, il ne peut pas aller loin. Il va tenir 15 jours, 20 jours, un mois, et il peut pas. Il va dire, khlas, la personne qui rentre dans ma salle. Regardez une seconde, je vais voir une seconde. Je suis en train de vous parler. En même temps, je vois combien il y a dans la salle. Lahda. Tayyib. Lahda. Il y a 7. Anam. 7 personnes. À 7 personnes dans la, 7 personnes dans la salle. 7, il peut pas tenir. Ça fait maintenant une heure ou là qu'il est. Il ne peut pas tenir comme ça un mois, deux mois avec trois, quatre personnes. Il peut pas. Imaginez qu'il n'y avait qu'une seule personne avec lui. Sept, c'est déjà beaucoup. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule personne. Il va dire, moi je ferme, classe. Je suis seul, je ferme. Mais tant qu'il y a sept, huit, là, ça lui fait plaisir. Non, donc le châtiment, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer dans ces salles. Ne pas rentrer dans leurs salles. C'est quoi, Inch'Allah, la prochaine question? Ça y est, maintenant je dois répondre à une sœur ici. Je dois répondre à une sœur. Je vois ici c'est quoi son surnom. C'est surnom. J'avais vu tout à l'heure un surnom ici. Parce que la femme cherche à plaire à Allah en obéissant à son mari, qu'elle espère aussi que son mari soit ravi d'elle. est-ce une bonne chose ou doit-elle seulement obéir à son mari pour avoir vu son Seigneur? Naam, ce qu'a dit la sœur est vrai. Lorsqu'une femme cherche à plaire à Allah en obéissant à son mari, elle a aussi de ajr. Car en fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné d'obéir à son mari. Donc, elle, quand elle obéit à son mari, elle met toujours entre ses yeux que c'est Allah ta'ala qui lui a donné ce, qui lui a demandé d'abord cela. Moi, je n'obéis pas à mon mari parce que c'est mon mari, mais j'obéis d'abord parce que Allah ta'ala m'a demandé de lui obéir. C'est pour ça que je peux avoir, inshallah, deux bonnes actions avec une intention. Et je prends avec elle, bi'idna azza wa jal, deux bonnes actions. Bi'idna azza wa jal. Naam. Tayyib. C'est quoi, inshallah, l'autre question? Tayyib. Assalamu alaikum. J'ai dû retirer mon voile après avoir subi une opération à la parotide. La cicatrice commence du haut de l'oreille jusqu'au niveau du cou et derrière l'oreille. Ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai dépassé 5 minutes, j'avais l'oreille qui brûlait. Au niveau de mon oreille gonflée, ça devenait urgent de mettre à peine sans épingle. C'est ce que j'ai fait, mais là, cela ne s'arrangeait pas. Et mon chirurgien m'a demandé de le ôter en attendant d'aller mieux. Et en attendant que la cicatrice, parce que c'est un endroit très fragile, délicat. J'ai écouté les recommandations du docteur, craignant de perdre ma foi, mais alhamdoulilah, celle-ci se renforce. Cependant, je voudrais m'assurer que tout allait bien avec une radio. Avant aussi de faire une petite opération, derrière la même oreille, une petite infection, mais un tout petit kyste. Et voilà que le docteur trouve juste à côté de la parotide un petit kyste qui peut bien disparaître. Vous devez subir une opération. Enfin, voilà, je suis perdu pour le voile et pour ma santé. Et j'ai très peur d'Allah Azza wa Jalla. Je vous demande de patienter. D'ailleurs, mais je ne vois pas où est la question ici. Je ne vois pas où est la question. Je n'ai pas compris où est la question. Non. De toute façon, quiconque est malade, naam, quiconque est malade, il faudrait qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, fattaqullah mastata'tum. Quand je suis malade et je dois faire une opération, je découvre l'endroit où je vais faire une opération. Mais quand l'opération est terminée, j'essaie de cacher au maximum la chose qui est aura. Si maintenant je peux pas la cacher, je reste à la maison et je la laisse découverte. Si il m'est interdit de la cacher. Non. Maintenant, si je dois aller au travail, je sais pas quoi, j'ai des obligations, je cache au maximum. Yani, si je suis obligé de laisser voir une partie, au moins je laisse seulement la partie où il y a la cicatrice. Mais c'est pas, par exemple, je découvre toute ma tête et je montre mes cheveux qui n'ont rien à voir avec la maladie et je dis je suis malade. C'est comme une femme qui va au médecin. Une femme doit aller chez un médecin femme, pas homme. Maintenant, si on n'a pas trouvé de femme, on n'a trouvé qu'un homme, qu'est-ce qu'on fait? On la laisse mourir. On la prend chez l'homme, mais elle ne découvre que l'endroit qu'il doit voir. Non, elle ne découvre que l'endroit qu'il doit voir. C'est pas la peine, par exemple, je donne une petite supposition. Si la maladie est au niveau, par exemple, du nombril, c'est pas la peine que la femme enlève tout son tricot. C'est pas la peine que le médecin voit sa poitrine. Il doit lui montrer seulement, yani, le nombril qui est malade. C'est juste cette partie. C'est pas la peine qu'il voit plus haut. Elle ne va pas enlever son tricot. Non, elle lui montre seulement l'endroit où il y a la maladie. Maintenant, c'est la même chose pour cette femme. Elle a une cicatrice. Cette cicatrice, elle ne peut pas la cacher. C'est comme ça qu'elle dit, Allahu a'lam. Donc, elle ne montre que la cicatrice. C'est pas, elle montre, par exemple, tous ses cheveux, tout sa tête. Mais, qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal lui fera une issue bien nazo. Qu'elle craigne Allah azza wa jal, Allah azza wa jal, bi'idhnillah azza wa jal, lui fera une issue. Ici, une sœur a dit, salam alaikum wa rahmatullah. Voilà, je suis mariée au mois de juin dernier. Cela fait presque 8 mois de mariage. Alhamdulillah. Et voilà qu'on a donné nos conditions. Mon mari m'a dit que lui, il veut que je porte le niqab. Pour lui, c'est une obligation. Je lui avais dit oui. dans le cas où c'est unanimité et que dans ce cas-là, je n'aurai pas le choix et qu'il faudrait que je le porte, mais ça prendra du temps. Car à ce moment, je ne porterai pas réellement le foulard. Je lui ai dit, ça peut prendre un jour, une semaine ou même plusieurs années. Je lui ai dit qu'il devait patienter. Il m'a dit, oui, ne t'inquiète pas. Mais je lui ai dit que s'il y a divergence sur le niqab et que j'ai choisi, je ne choisis pas le niqab, il devait accepter. Il m'a dit oui. À ce moment, je lui ai dit que cette parole, je n'oublierai pas, Inch'Allah, car pour moi, c'est important de mettre cette chose au clair. Maintenant que je sais qu'il y a une divergence entre les savants sur l'obligation du niqab, donc j'ai pris l'avis de Cheikh Al-Albani, qui dit que ce n'est pas une obligation pour porter le niqab. Mais mon mari me dit que ces hadiths ont été repris par d'autres savants et que ces hadiths ne sont pas authentiques ou que c'était des périodes exceptionnelles, donc pas valables. J'aimerais savoir si c'est vrai. Est-ce vrai qu'il a fait tawbah par rapport à son erreur sur le niqab? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Ces hadiths sont vrais et il n'a jamais dit qu'ils sont faux et il n'a jamais fait Toba. Au contraire, avant de mourir, il a écrit un autre livre pour dire que le niqab n'était pas obligatoire. Non, il n'a jamais fait Toba sur le niqab. Il a dit que le niqab n'est pas obligatoire pour la femme. Non, les autres qui l'ont contrarié, les grands ulama de l'Arabie Saoudite, ça, n'ont pas dit que ces hadiths étaient faibles, mais ils ont donné un autre sens au hadith. Ou bien on dit que c'était avant et après le niqab était devenu obligatoire. Mais Cheikh Al-Albani n'a jamais fait tawba parce qu'il n'a jamais dit je me suis trompé sur le niqab. Il a même fait le djidel, il y a la polémique avec des grands ulama et ils n'ont pas pu le convaincre qu'il était obligatoire. Bref, j'aimerais savoir si je prends des péchés sachant que mon mari me demande de porter le niqab et que je ne porte pas. Il m'avait demandé pour les deux fêtes de l'Aïd et je lui ai dit que je ne peux pas le porter et je ne suis pas prête, c'est un cap trop lourd, surtout que avant j'étais complètement dans le faux et j'ai réappris le dîn d'une façon correcte, alhamdoulilah. Donc ma peau est très fragile et mon mari d'ailleurs m'a mis la permission pour que je porte le djilbab, car ça m'a tellement mis de la rancœur envers lui que je le hais. Allah me pardonne, mais il ne patiente pas. Je portais le hijab et pour lui, il fallait que j'aille plus loin, très vite. Mais je ne peux pas. Il m'impose des choses que je ne suis pas capable de faire. Le djilbab, j'en ai souffert, mais alhamdoulilah, maintenant ça va. Une sœur m'a dit que si ton mari te demande de faire quelque chose qui n'est pas obligation, elle devient une obligation pour toi. Est-ce vrai? Si je porte pas le niqab, est-ce que j'ai des péchés selon l'avis de mon mari? Que Allah me pardonne. Mais j'ai pensé à un moment que si j'ai tout le temps des péchés avec mon mari, et que je serai une femme, je fais partie des femmes désobéissantes qui iront en enfer à cause de leur désobéissance, est-ce une raison valable de divorce? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam, je dis, premièrement, ce mari n'a pas tenu ses conditions. Naam, toi avant de te marier, tu lui as donné des conditions, il a dit j'accepte. Ensuite, il est revenu sur ses conditions. Maintenant, il veut tout vite. Ça, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Al-muslimuna ala shurutihim. Naam, vous aviez fait un pacte d'aller doucement, doucement. Naam. Et lui, il veut maintenant brusquer les choses. Là, si c'est marié, il veut brusquer les choses. Il n'a pas le droit de yani, transgresser les pactes entre deux musulmans. Bi-idhnillahi azza wa jal. Ensuite, autre chose. Naam. C'est écrit ça, la dernière chose. Naam, ma foi est très fragile, etc. Maintenant, si vraiment, toi tu ne mets pas le niqab à cause de, yani d'avoir lu ce qu'a dit Cheikh Al-Albani, et d'avoir lu ce qu'ont dit les autres ulama, et tu es convaincu par ce qu'a dit Cheikh Al-Albani. Dans ce cas, bi-idna azzawajal, tu n'as pas. Non. Tu as des péchés quand tu ne lis pas ce qu'ont dit les autres. Tu dis, moi, l'avis de Cheikh Al-Albani m'a plus classe. Je suis seulement cet avis. Donc, ça devient quoi? Ça devient shahwa. Ça devient des passions. J'ai Al-Albani parce que c'est facile. Je ne l'ai pas suivi à cause des délits. Je l'ai suivi à cause que c'est facile. Mais si tu l'as suivi à cause des dalils, tu as lu ces dalils, tu as lu les dalils des autres, tu as trouvé que ces dalils sont forts, bi-idna ta'ala, tu n'as aucun péché. Il y a autre chose, quand une femme est mariée, de préférence qu'elle mette le niqab, surtout si son mari le lui demande, de préférence. Naam. Pourquoi? Premièrement, elle est mariée. Elle est mariée. Maintenant, elle veut plaire seulement à son mari. Naam. Parce que moi, je ne cherche pas. Autrefois, je voulais qu'on me voie, ou là, j'avais l'intention de me marier, ou là, pour qu'on me voie. Maintenant, j'ai mon mari, il me suffit. J'ai Allah subhanahu wa ta'ala que j'adore, et mon mari à qui je dois obéir. Maintenant, mon mari m'a dit de mettre le niqab. Si je le mettais, c'est mieux. Naam. Pourquoi? Parce que, yani, pour plaire à mon mari et pour yani, le ravir, etc. Mais il ne faut pas que ça soit, comme elle dit elle, yani, qu'elle soit forcée. Il ne faut pas qu'il soit imposé. Il faut qu'elle le mette. Par quoi? Par respect à lui et par pour lui faire plaisir. Bi-inna azzawajal. Et elle aura des ajr, inshallah ta'ala. Elle aura des ajr, bi-innillah azzawajal. Mais non pas, yani, elle le fait comme ça. Yani, parce qu'elle est forcée et elle commence même à le haïr. Quelqu'un qui me force à faire quelque chose, même si c'est mon mari, je commence à le haïr. Mais quelqu'un qui est respectueux avec moi, quelqu'un qui a de la sagesse et de la hikma avec moi, je lui fais tellement je l'aime, tellement je veux lui faire plaisir. Donc toi, inshallah ta'ala, essaye si tu peux pour lui faire plaisir et pour ravir encore Allah plus. Azza wa Jal, ani de le mettre, il ne te fera que du bien, bi-idlillahi Azza wa Jal. Il est chez moi, il est combien, 1h35 du matin, je dois, bi-idna ta'ala, m'arrêter là, je devais répondre à d'autres sœurs, comme Om Seyfullah, je ne sais pas, c'est pas Om Seyfullah, et les autres, Om Seyfuddin, pardon, Salafiyah. Inch'Allah ta'ala, je lui répondrai la prochaine fois. Elle sera la première à laquelle je vais répondre. Bi-idnillah azza wa jal. C'est-à-dire, demain c'est quoi? Mardi, mercredi, Inch'Allah, sera la première à qui je vais répondre. Je vous verrai, Inch'Allah ta'ala, après demain. Bi-idnillah azza wa jal. Je vous laisse fi hifdhillah wa fi ri'ayatih. Je vous demande encore une fois, Inch'Allah ta'ala, de ne pas entrer dans les salles où il y a les mashakil. Même si vous rentrez pour me défendre, bi-idnillah ta'ala. C'est pas la peine de me défendre. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Allah azza wa jalla, c'est lui-même qui défend les croyants. Naam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.